le lauréat est... Vainqueur, Séverine. Podcast Science, la science sans prise de tête. On les applaudit très fort, excellent. Alors si vous entendez des tintements de coupe de champagne, c'est normal. Ce soir, c'est la fête sur Podcast Science. Nous sommes vainqueurs du Golden Blog Award 2012 dans la catégorie science. Rien que ça. Et ça fait tout drôle, je vous jure. Nous sommes dans l'univers, plus précisément au bord d'une ravissante galaxie qu'on appelle la Voie lactée, dans l'hémisphère nord de la Terre, troisième planète du système solaire, plus précisément encore à Paris, où les montres indiquent 20h58 et les calendriers le jeudi 15 novembre 2012. C'est Podcast Science numéro 109. Il nous fallait un sujet costaud pour fêter notre magnifique award. On a pensé inviter l'univers, mais bon, pour des questions techniques, ça n'a pas pu se faire. Heureusement, nous avons la chance d'avoir pu mettre la main sur sa chargée de communication en personne, Florence Porcel, Community Manager de l'univers en duplex par Skype du bord de Paris. Salut Florence. Bonjour. Alors Florence innove en termes de communication scientifique et nous avons plein de questions à lui poser. Côté Podcast Science, on est toute une clique ce soir. À mes côtés, physiquement, pour une fois, pour de vrai, Nico Tup, dont le salon a été transformé en tentative de studio, qui, je l'espère, va illustrer l'univers. Salut Nico. Salut. David, qui nous a mijoté un nouveau chat sur la page de live, qui fonctionne sans flash et qui donc devrait permettre aux personnes qui nous suivent via iPad, iPhone ou autre iChose de participer à la discussion. Bon, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai juste récupéré un code d'uniframe, mais oui, je suis là, bonjour. Il y a des personnes qui ne comprennent pas cette phrase sont épatées. David modeste, comme toujours. Et puis Robin, qui, rappelons-le, en plus de ses activités pour Podcast Science, fait aussi 2-3 trucs à côté. Il est diffuseur scientifique au département de maths du Palais de la Découverte, et il tient la rubrique mathématiques de Sciences et Vie Junior. Alors, pas de dossier fracassant sur les mathématiques de sa part ce soir. Robin porte sa casquette de pédagogue des sciences et va nous aider à comprendre comment les différentes approches, dont celle de Florence, s'emboîtent et se complètent. Salut Robin. Alors, pédagogue des sciences qui ne comprend pas grand-chose à l'Internet mondial. Ouais. Twitter, tu sais ce que c'est, Robin ? Twitter, je sais ce que c'est. Je ne pratique pas, mais Twitter, il sait ce que c'est parce qu'il reçoit des mails de notification. C'est ça. C'est du spam, hein, c'est ça ? Web 0,5, on va dire. Hein, c'est ça. Alors, au sommaire de ce numéro. Donc, pour commencer, l'interview de Florence Porcel, Community Manager de l'univers. Ensuite, on aura le pitch de la semaine prochaine. Puis le son de la semaine, comme d'habitude. Le blog de la semaine, le blog audio de la semaine, qui va durer moins d'une minute, que je trouve particulièrement délicieux d'ailleurs. On verra si ça vous plaît, c'est un peu bizarre cette semaine. Un rapide retour sur les émissions précédentes. Le quiz de la semaine. La quote de la semaine aussi. Et comme d'habitude, quelques rapides annonces à la fin de l'émission. Alors, on va démarrer sans plus traîner, on a déjà beaucoup de retard. On attaque avec l'interview de Florence. Donc, Florence Porcel a dû trouver un truc pour remonter le temps. La journée, elle est Community Manager pour le 20-20h, l'émission de 20-20 diffusée sur France 5 le dimanche à 20h. On n'imagine même pas la course contre la montre de ce type d'organisation. Non, vous n'imaginez pas, non. je pense. Et puis le soir, la nuit, le week-end, pour se détendre et se ressourcer, quand d'autres vont à la piscine ou lisent un roman, ben Florence fait l'interface entre l'univers et les terriens. Ouais. Voilà, donc tu as lancé dernièrement 2 projets de communication scientifique. Il y a d'une part le Community Management de l'univers sur Twitter. Ça, c'est un projet que tu as lancé au printemps dernier, c'est ça ? Ouais, au mois de février, je crois. Début février ou fin février. Non, début mars. Ok. Et puis le podcast, la folle histoire de l'univers, ça c'était il y a quelques semaines finalement. Oui, puisque je prépare le numéro 9 et comme c'est toutes les semaines, c'est il y a 2 mois précisément. Voilà. Ok. Alors bon, le podcast comme mode de communication, c'est pas encore totalement mainstream, mais c'est plus exactement nouveau. Nos auditeurs connaissent très bien. Par contre, le community management de l'univers sur Twitter, à notre connaissance, c'est une première planétaire, voire galactique. voire intergalactique. Hein, voilà. Bon, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Et puis, c'est Robin, qui va se charger de commenter la démarche. Bon, peut-être avant d'entrer en détail dans les projets, Florence, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, C'est toujours délicat de cet exercice. Mais voilà, je m'appelle Florence, j'ai 29 ans, je suis donc community manager pour une émission de télévision que tu as très bien décrite, le 20-20h. Et voilà, que puis-je dire d'autre? Je ne sais pas, je n'ai pas du tout de background scientifique, j'ai un bac L, j'ai un diplôme de journaliste. Enfin voilà, je suis pas du tout du tout spécialiste au niveau des sciences, mais ça me passionne et voilà, ça me fait plaisir de partager cette passion. Donc pas de background en astrophysique. Ah non, non, non, non, non, non, j'ai fait 6 ans de sciences dans ma vie, hein, de la 6e à la 1ère, et voilà, c'est tout, en tout et pour tout. C'est probablement plus que moi. Non, mais après, il y a toutes les lectures, enfin voilà, les trucs que j'écoute, que je lis, que je regarde, etc., mais ça, sur mon temps libre, évidemment. Robin, ça t'inspire un commentaire au Palais de la Découverte? Je crois que la diffusion est assurée par des scientifiques. C'est une volonté. Après, faut voir ce que ça veut dire scientifique, mais des scientifiques de formation. Pour moi, le mot scientifique en soi, il n'a pas forcément beaucoup de sens. Mais oui, des scientifiques de formation, tout le monde au Palais de la Découverte, tous les médiateurs scientifiques ont au moins un bac plus 4 ou 5, voire beaucoup ont une thèse. Donc c'est vrai que c'est plutôt ce profil-là. Après, quand on regarde dans le monde de la vulgarisation scientifique, ça arrive très régulièrement d'avoir des autodidactes. Je pensais, malheureusement, j'ai prévu un peu au dernier moment d'être là, donc j'ai pas recherché exactement qui c'était, mais j'ai déjà vu en conférence le responsable de la rubrique science, je sais plus si c'était du Monde ou de Libé ou un truc comme ça, qui a un parfait autodidacte. Voilà, ça arrive. En maths, il y a une énorme référence dans la vulgarisation qui s'appelle Martin Gardner, qui est mort récemment, qui était un autodidacte, qui est une référence énorme, voilà, qui allait vraiment chercher les maths à la source. Donc c'est quelque chose qui peut exister. Après, c'est vrai qu'au Palais de la Découverte, c'est vraiment des gens qui ont une formation scientifique assez solide. Et à Sciences et Vie Junior aussi, bon, il y a quand même un historien de formation qui est là et qui fait du coup, évidemment, les sujets sur l'histoire des sciences. Mais voilà. Ok. Moi, je me demandais si la place des amateurs dans la science n'est pas en train de changer. Je pensais à la découverte d'exoplanètes par des astronomes amateurs, par exemple. Je sais pas. Je crois qu'il y a vraiment toujours eu. Enfin, il y a eu un moment dans l'histoire des sciences, de l'humanité, disons, où les sciences c'était quasiment que des amateurs. C'est-à-dire que quand on regarde Pierre de Fermat, 16e siècle, c'était un juriste, quoi. C'était des gens qui s'y intéressaient. Donc c'était des gens qui avaient le temps, la possibilité de s'y intéresser aussi. La notion d'amateur, de professionnel, je pense qu'elle n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était pas invraisemblable de se dire quelqu'un qui débarque de n'importe où peut trouver quelque chose. Aujourd'hui, finalement, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de monde dans le monde de la recherche. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans les questions essentielles posées en mathématiques, par exemple, on ne s'attend pas à ce qu'un amateur arrive à trouver quelque chose d'essentiel, quoi. Peut-être ça peut arriver, mais il y a a priori peu de probabilité que ça arrive. Après, sur la vulgarisation, encore une fois, c'est autre chose. Et je pense, enfin bon, il faut pas laisser Florence en parler aussi, mais je pense que justement, ne pas avoir forcément à 100% une formation à 100% scientifique, quelque part, pour faire de la vulgarisation, ça donne déjà une bien meilleure idée des attentes que va avoir le public, dans le sens où nous, enfin, ou pas forcément nous, enfin, moi je suis moitié, enfin, j'ai pas fait de thèse ni quoi que ce soit, j'ai un groupe d'ingé, mais je pense qu'un chercheur a une option, une vision un peu biaisée de ce que va vouloir le public, justement parce que il en fait pas tout à fait partie. C'est la grande théorie de beaucoup de gens, par exemple ma frangine qui a toujours été pas spécialement douée à l'école dans les matières scientifiques, de dire oui mais moi j'ai lutté, quoi, c'était compliqué pour moi, donc maintenant qu'elle est instite, elle dit bah je suis bien placée pour comprendre les difficultés des élèves, etc. Alors justement, Florence, je rebondis là-dessus. Oui. Toi, à l'école, là, tes 6 années de sciences, ça se passait bien, ça se passait mal? T'as pas fait des sciences parce que ça se passait mal ou parce que t'as préféré faire autre chose? Non, j'ai pas fait de sciences à l'école primaire parce que mon cas est un peu à part. J'étais en sport-études, en fait. Ah, d'accord. Je faisais 15 heures de gym par semaine et donc forcément, bah, y a des matières qu'on sautait, donc l'histoire, les sciences, le dessin, la musique, tout ça, j'ai appris à lire, à compter et à écrire. Voilà, c'est tout. Donc, c'était pas un choix. Donc, du coup, c'était une passion. Mais mais bien sûr. Mais en fait, le truc, c'est que quand j'étais petite, je voyais pas ça comme des sciences, comme une matière. C'est des questions que je me posais. Et le seul moyen de trouver des réponses, c'est effectivement de me plonger dans les essais scientifiques, dans les documentaires, dans les conférences, etc. Ok, et puis cette fascination pour les planètes, les étoiles, les grandes questions de l'univers, de la vie et tout, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance, j'imagine. Ah bah, qui remonte, oui, là où je peux remonter. Ouais, ouais, ça a toujours été en moi, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair, ça vient de très très loin. Bon, j'ai le sentiment que tous les enfants, filles et garçons, à un moment donné, sont fascinés par ces histoires-là, puis que il y a un moment, on ne sait pas très bien pourquoi, en grandissant, ils finissent par mettre tout ça en veilleuse, voire à l'oublier complètement, préoccupés qu'ils sont par les soucis du quotidien. Et puis, il y a d'autres personnes comme toi, manifestement, comme nous tous, je crois, chez Podcast Science, animateurs et poditeurs, chez qui cette curiosité enfantine, cette espèce d'émerveillement permanent pour la magie du cosmos, c'est jamais éteinte. Au contraire, on aurait plutôt tendance à la cultiver. Ouais. Tu partages ce sentiment ? Complètement. Alors après, je sais pas si tous les enfants s'y intéressent. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on en a rien à foutre. Mais voilà, c'est juste ce que j'ai pu voir autour de moi, oui, parce que je connais beaucoup l'enfance, c'est pour ça. Mais après, oui, c'est clair que quand ça vient de l'enfance, après ça peut disparaître, et des fois, ben ça reste. Et je sais que j'écoute beaucoup de podcasts, ou je regarde beaucoup de documentaires, et y a des scientifiques qui disent que effectivement ça vient de l'enfance. Et qu'ils sont pas dit à 18, 20 ans, tiens, si je faisais une thèse en astrophysique. Non, ça vient vraiment de tout petit, je regardais les étoiles, je voulais savoir comment ça fonctionnait, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui part de l'enfance, qui est dans les tripes, qui est dans le ventre, je sais pas, on a ça en nous, et effectivement, quand on a vraiment ça en nous, bah, ça fait partie de nous, donc forcément, ça ne disparaît pas. Mais voilà. À un moment, il faut que ça sorte, quoi. Robin, tu voulais ajouter? Non, je disais juste qu'effectivement, moi, je fais partie des gens qui, a priori, ne s'intéressent pas du tout à tout ce qui est astronomie, tout ça. Et enfant, bah, j'aimais bien regarder les étoiles, oui, mais je me posais absolument aucune question dessus, j'en avais rien à faire, je trouvais ça joli, c'est tout, quoi, c'était... et depuis, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup évolué. Une fois de temps en temps, je me force, parce que je me dis, tout le monde trouve ça passionnant, je dois rater quelque chose, donc j'y vais. Et effectivement, il y a des trucs que je finis par trouver intéressants, mais c'est pas du tout un sujet sur lequel je suis attiré naturellement. Contrairement à plein d'autres sujets, si on parle des sujets sur l'enfance et tout, dans les trucs classiques, j'étais passionné par les petits animaux, tout ça, machin, ça a duré, et ça, c'est classique aussi chez les gamins, mais les étoiles, tout ça, non, pas plus que ça. Oui. Je me demandais s'il n'y avait pas un truc homme-femme aussi, enfin, en dépit de l'exemple de Robin. ça va être inversé. Ouais. J'ai l'impression, Florence, que t'es une des rares femmes présentes dans la blogo, podcasto, twittosphère scientifique. Ouais, je me sens un peu seule. T'as une ébauche d'explication ? T'as une idée ? En fait, c'est pas à moi qu'il faut demander vu que j'y suis. Je pense qu'il faudrait plutôt demander aux jeunes femmes, ou aux femmes de tout court d'ailleurs, qui n'y sont pas. Pourquoi elles n'y sont pas ? Si elles sont passionnées, pourquoi elles le font pas ? Pourquoi ? Je sais pas, j'ai pas vraiment d'explication. En réfléchissant, je me dis peut-être parce que j'en sais rien, c'est technique et que les filles se mettent un peu moins à la technique, mais je vois pas pourquoi ce serait le cas, donc j'ai pas vraiment d'explication, mais c'est un fait effectivement. Même si on oublie les sciences, hein, les podcasteurs en général sont des mecs. Ouais. Après, il faut dire que aux podcasteurs en général, les sujets de podcast en général sont aussi des sujets de mecs. Alors je sais pas où est la cause et la conséquence. Non, pourquoi y aurait-il des sujets de mecs et des sujets de filles ? Je suis assez d'accord. Je m'intéresse à la mode ou à la cuisine, moi. Non, c'est vrai. Non, tu as raison en plus. C'est une mauvaise remarque. Je ferais mieux de continuer avec ça. Mais sinon, le problème des femmes dans la vulgarisation scientifique ou malheureusement aussi en recherche, c'est toujours le coup de. Enfin. J'ai peur que ça se gère un petit peu au niveau de l'enfance et que ce soit une construction qui est malheureuse, qui est à changer, qu'on essaye de changer, qu'on est en train de changer. C'est le fameux coup du garçon à qui on donne des Legos et de la fille à qui on donne des Barbies. Et on voit que toutes les filles à qui on donne des Legos kiffent autant les Legos qu'un mec, quoi. Donc c'est juste une espèce de conditionnement qui est très malheureux. Et... Après, moi, ce que je vois sur ces juniors ou à... au Palais de la Découverte, c'est globalement c'est représentatif des études, c'est-à-dire que par exemple la chimie, il y a énormément de filles dans les études de chimie, le département de chimie au Palais de la Découverte, c'est que des filles, en bio c'est pareil, il y a beaucoup de filles au département de bio, par contre effectivement l'astronomie, en maths et en physique, c'est beaucoup des mecs, c'est vraiment, ça suit complètement, et il y a la géoscience qui est à peu près équilibrée. Mais il y a des études sociologiques sur le sujet ou psychologiques ou j'en sais rien qui expliqueraient cette différence parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait cette différence de ratio homme-femme. Il y a plein d'études qui montrent que les filles sont plutôt, ce qui moi me plaît pas non plus parce que j'aurais tendance à vouloir que tout soit toujours à égalité, mais il y a plein d'études qui disent plutôt que les filles sont plutôt plus douées que les mecs en maths en primaire et au collège et qu'après bah, c'est plutôt ouais, un espèce de ce qu'on attend, enfin ce que la société a comme image, etc. quoi. Les filles sont plus littéraires. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui pour moi est un non-sens. Enfin, déjà, être littéraire, être scientifique, encore une fois, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Donc, Ouais. J'aimerais bien inviter Catherine Vidal une fois sur le podcast. Elle a écrit un petit livre sur le sujet, un petit truc qui est lu en trois fois rien, quoi, en une demi-heure. Il s'appelle « Les filles ont-elles un cerveau fait pour les maths ?» Oui. Et elle cite plein d'études de neurosciences, et puis il y a plein de recherches en psychologie et psychologie sociale notamment qui tendent à démontrer qu'en fait il s'agit d'un conditionnement. Une construction sociale. Oui, ouais, absolument, ça, c'est un conditionnement social. Et je trouve vachement intéressant ce regard. Et au-delà de ça, moi j'avais lu des choses aussi qui disaient ce que tu disais un peu là, c'est-à-dire que de toute façon l'enseignement aussi dans ces matières-là est beaucoup plus fait pour des façons d'apprendre des garçons ou des... Je sais pas, encore une fois, même ça j'ai du mal, avec les façons d'apprendre des garçons. Moi ça m'étonne pas, non mais dans les méthodes de raisonnement, même on le voyait au palais, c'est pas forcément, de toute façon ça veut rien dire, parce qu'on voyait ça dans des origines sociales, enfin, les gens n'apprennent pas pareil, et il y a peut-être une différence entre les sexes, mais je dis pas mieux ou moins bien, c'est juste moi, j'ai pas l'impression, mais c'est vrai que je sais pas. Ou alors je pense que cette façon d'apprendre serait le résultat d'une construction sociale elle aussi, et donc pourrait serait le résultat de elle a fait la poule, hein. Voilà. Après par contre le sujet effectivement je pense qu'il est intéressant, il y a plusieurs associations ou personnes effectivement qui sont intéressées à ça. Alan, si ça t'intéresse de faire une mission là-dessus, il y a par exemple une association qui s'appelle Femmes et Sciences qui justement fait de la sensibilisation, etc. Il y en a une qui s'appelle carrément Femmes et Maths, évidemment, que je connais mieux, mais qui justement font des interventions, font de la sensibilisation dans les collèges, lycées, etc. Avec des... Alors, je ne suis pas forcément fan de la forme, mais des pièces de théâtre où on peut intervenir pour dire à partir de quel moment ça déconne, etc. Ça marche. Bon, on va essayer d'organiser une table ronde. Robin, si tu as un carnet d'adresses, c'est bien fourni, c'est la permission. Pour aller vers de la légèreté, dans ton groupe de l'univers là sur Twitter, est-ce que s'il y a la parité ? Eh ben, je crois que oui. Et même plus que ça, c'est qu'il y a des comptes auxquels je donne pas de sexe. Par exemple, Mars, je suis très partagée. Je sais pas si c'est un homme, une femme, je sais pas. Donc c'est neutre, voilà. Mais le Soleil est plutôt un mec. Les étoiles sont des filles. Les nébuleuses aussi. Enfin voilà. C'est un peu égalité. C'est dommage qu'on n'ait pas un pronom neutre en français, comme dans un certain nombre de langues. Ouais, c'est dommage, ouais. On a George McKee qui nous disait dans la chatroom il y a un petit moment d'écouter le podcast de Ciel et Espace, où on apprend que plein d'astronomes professionnels étaient très intéressés dès l'enfance. Et oui, c'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure quand je disais que j'écoutais des gens qui expliquaient que ça venait de l'enfance, en fait. C'est ces podcasts-là que j'écoute aussi. D'accord, on est en phase. On va peut-être attaquer maintenant le sujet du community management de l'univers. Certains de nos auditeurs sont probablement pas du tout familiers avec Twitter. Avant de présenter le concept en détail, est-ce que tu peux déjà nous rappeler les fondamentaux au sujet de Twitter, un peu comment ça marche ? Oui, bien sûr. Alors Twitter, il y a rien de plus basique. On donne un pseudo, une adresse mail, et ça y est, on a son compte. Et le principe, c'est d'écrire des messages de 140 caractères, et c'est tout. Voilà. Et on peut s'abonner à des comptes, et des comptes peuvent s'abonner aux nôtres. Mais c'est pas réciproque comme sur Facebook. C'est comme s'abonner à un journal. On s'abonne à un journal, mais le journal ne s'abonne pas à soi. Ça n'a pas de sens. Donc voilà. Et moi, j'ai créé 30 comptes indépendants les uns des autres, mais qui regroupent, je pense, à peu près tout dans l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Donc il y a le compte du Soleil, il y a le compte des étoiles, il y a le compte de la physique quantique, il y a le compte de l'univers, de la Terre, etc. Voilà. C'est un peu une galerie de personnages, en somme. Oui, c'est complètement ça. Ok, parce qu'en principe, un compte Twitter appartient à une personne. Ouais. Là, ce que tu as fait, c'est que tu personnifies les planètes, les astres et certains concepts de physique. Et ils parlent à travers une voix, enfin, qui est ta voix, finalement, mais ils ont tous une personnalité qui leur est propre. Ouais, j'ai fait des petites fiches personnages pour pas me mélanger les pinceaux, parce qu'ils sont 30, quand même. Hein. Je suis schizo, mais enfin, pas à ce point-là. Et ils ont tous leurs petites fiches avec leurs défauts, leurs qualités, leurs petits caractères. Voilà, ça m'amuse beaucoup. Ok, est-ce que, je sais pas, tu peux nous présenter un extrait de dialogue entre des membres de la liste ? Il y a quelques mois, quand on n'avait pas encore trouvé le boson de Higgs, qui a son compte, il plaisantait souvent avec le compte des neutrinos, et il parlait à Jojo le neutrino qui allait plus vite que la lumière. Voilà. Et donc, lui, le boson de Higgs, il jouait à cache-cache avec les terriens, et Jojo le neutrino, ben, c'était un peu le tricheur qui avait voulu dépasser la vitesse de la lumière, alors que, en fait, non, parce que on a appris par la suite qu'il n'avait pas dépassé la vitesse de la lumière. Donc voilà, ils font des petits concours comme ça, où ils se moquent un peu, le boson de Jojo le neutrino, etc. Ouais, je sais pas si c'est très clair, mais, sinon, il y a le soleil. Le soleil qui en a marre des terriens, qui disent tout le temps que c'est une feignasse et qu'il passe sa vie à dormir. Le soleil c'est pas une feignasse, il ne se couche pas, il ne bouge pas, c'est la terre qui tourne. Et il ne se cache pas non plus, ce sont les nuages qui le cachent. Mais lui il y est pour rien, lui il est toujours là, il bouge pas. Donc ça l'agace très fortement. Finalement s'il bouge pas il est effectivement un peu flemmard cet animé. C'est pas faux, mais je crois que si tu lui disais il râlerait très fort. Ouais, le soleil considère les humains comme des microbes quand il s'adresse à eux, mais bon, maintenant ouais. T'es démasqué, on sait que c'est toi qui parles. Pourquoi je ne me permettrai jamais de nommer mes compatriotes par ce mot aussi terrible, des microbes, c'est horrible. Je me posais la question des perspectives, enfin de la pluralité de perspectives que ces différents comptes te permettent. En fait, il y a différents tons, différents angles, différentes personnalités. Et c'est plutôt une question pour Robin, en fait. Est-ce qu'avec avec tes formats à toi, il y a des choses qu'on arrive à dire ou pas? Enfin, c'est cette espèce de pluralité de perspectives. Comment est-ce que dans la vraie vie, hors Twitter, on De scénarisation aussi. De scénarisation, ce genre de scénarisation, de faire parler des astres ou des objets comme ça, qui a priori ne parlent pas franchement dans la vraie vie, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Hein. Enfin, moi je me souviens en tant que... Puisque avant d'écrire à Sensible Junior, quand j'étais ado, je lisais Sensible Junior évidemment, et c'est quelque chose qui existe depuis un moment. Et alors là, dans la nouvelle formule, il y a carrément une fois par mois l'interview d'un personnage, sachant que ce personnage est régulièrement. Alors j'en ai noté quelques-uns dont je me souvenais comme ça. Il y a eu Minitel, il y a eu la planète qui était peut-être pas une planète à côté de Pluton là, qui était interviewée. Voilà, donc c'est vraiment le même genre de comment tu dis Charon. Je sais plus. Charon. J'ai oublié. D'accord. Celle qui était avec Pluton là par là-bas et. Carrément, oui, il y avait une fois, ils avaient fait l'interview d'un ordinateur qui avait été programmé pour essayer d'avoir de l'humour, de faire un programme qui a de l'humour. Donc ça, c'était... Donc ils avaient fait l'interview. Donc ils sont capables d'interviewer à peu près n'importe quoi. Okay. Et ils font ça sous forme d'interview. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. J'ai vu aussi depuis Internet, évidemment, plein de choses sous cette forme-là. Des fausses pages Facebook, par exemple, des choses comme ça. C'est quelque chose qui existe. Après les faire dialoguer entre eux, bon moi-même je l'ai fait un petit peu, hein. j'ai mis en scène le mathématicien David Hilbert, j'ai mis en scène les petits lutins qui sont dans l'ordinateur et qui font fonctionner l'ordinateur, des choses comme ça. C'est vrai que pour faire le mariole, pour faire des trucs un peu marrants, pour faire des trucs un peu vivants, c'est un artifice qui est utilisé régulièrement, plus pour les ados, disons qu'a priori ça s'imagine moins dans un truc genre pour la science quoi, ça... Et alors que justement, au niveau population sur Twitter, c'est des gens plutôt âgés, c'est pas des ados a priori. Mais ça fait très longtemps que je dis qu'il faudrait faire un Sensible Junior pour adultes, c'est-à-dire je pense qu'il y a vraiment un public pour de la science vulgarisée de façon cool, d'ailleurs Podcast Science en est la preuve, mais c'est vrai, c'est... pourquoi forcément dès qu'on parle à des adultes, faudrait être sérieux quoi, on a le droit encore de... Voilà. Après tu parlais des différents formats, je sais pas sinon je vais parler, mais c'est un peu, je vais pas squeezer l'interview de Florence. Peut-être pour rebondir sur ce que disait Robin, je crois que tu avais des notes là-dessus. Oui, c'est même sur Twitter, c'est pas la première fois qu'on voyait des célébrités parler en sachant pertinemment que c'était pas elles, même du monde scientifique. Ouais, il y a Galilée. Ouais, il y a Galilée ou même Einstein, ensuite, Aristote aussi. Ouais, Aristote, il y en a un paquet. Bon, là, ce qui était nouveau, c'est d'avoir une communauté qui se répondait entre elles. De 30 d'un coup, je ne me souviens pas avoir vu autant une création. Quelqu'un d'assez pervers pour non, faire ça. Non, mais je suis un peu taré aussi. Bah, c'est-à-dire que moi, ce que je fais. Et au niveau par rapport à ce que tu avais fait, il y a aussi des pages web, oui, bien sûr, de trucs qui se créent. Moi, je sais qu'on avait vu, on avait avec Alain, ça nous a beaucoup fait rire. on mettra le lien, les Gauss Facts, qui sont comme les Chuck Norris Facts, mais avec Gauss, qui sont compréhensibles que par des mathématiciens, voire même des fois avec 3 ou 4 années d'études derrière le bac. Moi, je comprends pas grand chose, ça faisait marrer Nico. C'était très drôle. Mais c'est un côté où, en effet, ça fait vivre. Parce que Gauss a cette réputation d'être le plus grand mathématicien de l'histoire, si je dis pas des conneries, ou quasiment avec 2-3 autres. Il y en a d'autres, mais disons, c'est un des gens. C'est vrai aussi qu'en poussant le contexte, le concept, faire dialoguer, je sais pas, Einstein avec Aristote et Descartes, ça pourrait être assez fun. C'est un truc, encore une fois, moi, dans Sciences et Génie, j'ai déjà vu ce genre de choses, quoi. Mais c'est vrai que c'est le temps d'un article. Là, moi, ce que je trouve sympa, ce que je trouve différent, c'est que ça peut durer et qu'ils peuvent avoir leur personnalité qu'on peut creuser. Ça peut suivre l'actualité, ça peut. Il y a des possibilités qui sont pas exactement les mêmes. Donc j'imagine que de temps en temps il va y avoir des trucs qui vont être compliqués à gérer parce que l'actualité va pas correspondre à la personnalité des des comptes, et à l'inverse peut-être qu'il y a d'autres fois probablement où ça va être des heureuses surprises. Enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Florence. D'avoir des actualités qui font que tu te sens soit embêté parce que ça correspond pas à la vie, disons, que t'as créée entre tes personnages, ou au contraire des trucs qui collent hyper bien avec ce que t'avais fait, mais c'est un hasard, quoi. Ouais, non, mais carrément. Mais quand ça correspond pas du tout, bah du coup je m'abstiens. Voilà. Pas mal. Et puis voilà. Bah, en fait, je la gère quand j'ai le temps aussi. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, mais dès que j'ai un moment et qu'il y a une actualité qui va avec, c'est génial. Parce que c'est vrai que quand on commence à faire des histoires, des images comme ça, utiliser des personnages ou des artifices comme cela, c'est vrai que il y a des fois où ça marche mieux que d'autres. Il y a des fois où on a quand même l'impression qu'on plaque de force. Une histoire, une idée sur un concept, et que bon, c'est un peu tiré par les cheveux, et d'autres fois où ça colle hyper bien, quoi. Bah, c'est pour ça que, en fait, je le fais que quand ça colle. Ouais. Et souvent, c'est chouette. Bah, je sais que quand Neil Armstrong est décédé, en août, là, la Lune a fait un tweet qui a été top tweet, je crois. Elle a été retweetée 300 fois, un truc comme ça, plus que son nombre d'abonnés. C'était un truc de ouf. Et là, ça me fait vraiment plaisir. Mais voilà, s'il n'y a pas d'actu sur la Lune, là, en ce moment, il n'y a pas d'actu sur la Lune, ben voilà, elle parle pas beaucoup. Ou alors, elle s'engueule avec le soleil, mais je me force pas à inventer un truc s'il n'y a rien, quoi. Ok, moi je voudrais juste qu'on revienne une seconde sur cette histoire d'humains qui finalement face au soleil et face au cosmos ne seront guère plus que des microbes. Je me demandais si c'est dans cette perspective que s'inscrit, Florence, ton aversion pour le vocabulaire guerrier qui est utilisé dans le jargon spatial. Ouais, en fait, non, ça me gonfle, mais dans un contexte plus général, enfin voilà, je vais faire la Miss America. La guerre, c'est mal. Voilà, merci pour le message. Plus sérieusement, c'est vrai que c'est. Enfin, c'est pas que. Enfin, en fait, ça me fait flipper. Je trouve ça flippant parce que l'histoire nous a appris que quand on va en colon dans un territoire qu'on ne connaît pas, ben, on en rapporte la grippe, on rapporte le rhume, on détruit tout, on essaye de. Enfin, voilà, il y a d'histoires de religion que. Enfin, à un moment, l'humanité, il va falloir qu'elle s'en passe parce que voilà. Mais enfin, tu vois, et donc, c'est un petit peu la même histoire que je sens qui va se répéter si on va sur d'autres territoires inexplorés. En l'occurrence des satellites, des lunes, des planètes, etc. Et donc, dès le départ, alors qu'on n'est même pas encore parti de la Terre, utiliser ce genre de vocabulaire, je pense que c'est pas un bon exemple à montrer aux enfants ou à utiliser, même dans l'inconscient collectif. Voilà, je pense qu'il faut faire très attention au vocabulaire qu'on utilise. Et tu penses à quelle expression, typiquement, quelle formulation ? Conquête spatiale, par exemple, on peut très bien changer pour exploration spatiale. Mais est-ce que ce genre de vocabulaire n'est pas lié aussi, plus ou moins directement, au contexte dans lequel est apparue l'exploration ou la conquête spatiale, à savoir le contexte de la guerre froide, qui a peut-être sans pas doute. Mal... Ouais, bien sûr, mais cela dit, enfin, oui et non, par conquête spatiale, oui, sans doute. Mais je vois, par exemple, quand on a trouvé, je ne sais plus quelle exoplanète l'autre jour, c'est Libé qui avait interviewé son journaliste scientifique et qui avait dit « mais est-ce qu'on va aller coloniser cette planète ?» Là, on n'est plus dans la guerre froide. Et tout de suite, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est coloniser. Et ben voilà, moi, je sais pas, ça me dérange. Ça me dérange. On ne colonise pas une planète, quoi. Voilà. Mais peut-être que je suis trop bisounours. En tout cas, tu fais très plaisir quand on t'entend t'enthousiasmer sur la découverte d'une exoplanète, de la possibilité d'avoir de l'exobiologie là-bas, etc. Enfin, on sent que... Ah bah ouais, non, mais je suis à fond. Non mais c'est voilà. Des fois j'ai mon texte, hein, mon podcast, je l'écris vraiment phrase par phrase, mais des fois je pars en live et je me rattrape mais j'arrive pas à ne pas m'enthousiasmer à chaque fois. Donc c'est vrai qu'on t'imagine bien recevoir ta notification d'une nouvelle planète découverte et ton joie dans ton comme une ouf, mais tous mes amis se foutent de moi. Hein. Mais vraiment, même 20-20, quand je reçois une alerte push sur mon bureau, je saute sur mon siège, je crie de joie. Mais alors, c'est quoi cette fois-ci? Un trou noir ou une exoplanète? Donc voilà, tout le monde se fout de moi autour de moi, mais ça amuse beaucoup. Et puis moi, je suis contente, alors voilà. Parce que pour quand on est enthousiaste, on se fait foutre de notre gueule, quoi. Pour dire deux mots pour Robin et pour ceux qui ne suivraient pas le podcast de Florence, qui est une erreur à mon avis, elle a une application iPhone qui lui signale les nouvelles découvertes d'exoplanètes et je sais pas quoi trop quoi d'autre, mais plein de choses liées à l'espace. Les trous noirs, entre autres, je crois. Ouais, voilà. Enfin, c'est peut-être pas la même application. Non, c'est pas la même. Et l'application ISS qui te signale les passages Alors ça, c'est pas une application, il faut envoyer son adresse mail via un site de la NASA et ensuite ça te prévient par mail quand l'ISS passe au-dessus de ta tête. Sur Android, il y a une application. Ah, sur Android, il y a une application. Bah, ouais. Peut-être qu'elle existe sur iPhone aussi, mais j'en ai pas connaissance. Enfin bref, il y a de quoi s'amuser, quoi. Faire. Je me demandais si, pour revenir un petit peu sur ta démarche sur Twitter, est-ce qu'il y avait une ambition pédagogique derrière le projet quand tu l'as lancé, ou bien est-ce que tu as fait ça pour, je sais pas, pour t'amuser? Ah, j'ai clairement fait ça pour m'amuser. Voilà, il y a 30 comptes. Enfin, personne suit les 30 comptes, quoi. À part moi, peut-être, et 20-20. Et je sais pas qui d'autre. Mais non. Et puis, je savais qu'ils auraient pas beaucoup de followers et tout. Donc, non, pour moi, c'était vraiment juste pour m'amuser. Et puis peut-être partager cette passion que j'ai avec d'autres illuminés comme moi. Mais cela dit, ça a été repéré par pas mal de gens, etc. Et j'ai commencé à recevoir des coups de fil de docteurs en biologie moléculaire qui trouvaient le projet formidable, etc., qui veut qu'on se rencontre. Enfin, ça m'a complètement échappé, en tout cas. Et donc, du coup, j'essaye d'y mettre une dimension pédagogique, mais sans trop prendre au sérieux, parce que déjà, je suis pas spécialiste, donc je me sens pas légitime. Et d'autre part, parce que, ben voilà, je fais ça sur mon temps libre, mes loisirs. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai des emplois du temps tellement, tellement fournis que j'avoue, je suis un peu débordée. Voilà. Mais, Ouais, juste, je voulais dire un truc. Je pense qu'avec cette chose-là, moi, je l'ai pas vraiment regardé. J'ai aperçu à quoi ça ressemblait, mais c'est-à-dire, pour moi, la vulgarisation, mon expérience, en tout cas, il y a deux choses. Il y a attirer les gens, leur donner envie de s'intéresser et expliquer des trucs simplement. Et j'ai pas forcément l'impression que le plus compliqué c'est d'expliquer simplement. J'ai l'impression que le plus compliqué c'est de donner envie aux gens de s'intéresser. C'est-à-dire qu'a priori, on prend quelqu'un dans la rue qui passe, je repense à l'exemple de Nico la dernière fois qui nous a fait un truc sur la projection d'une sphère sur un plan, machin et tout. Nous, ça nous fait complètement triper, on a adoré quand on a découvert ça. On croit que quelqu'un dans la rue, on commence à lui expliquer ça, il n'en a rien à faire. Et je pense que du coup, ce que tu fais, ça peut potentiellement, j'en sais rien si ça le fait, mais ça peut potentiellement faire ça. C'est-à-dire donner envie à quelqu'un de s'y intéresser. Après, libre à cette personne-là d'aller chercher les infos ailleurs. Mais c'est vrai que c'est clair qu'avec des petits tweets, tu vas jamais faire de la vulgarisation, rentrer dans du contenu profond, etc. Mais par contre, tu fais cet aspect-là qui pour moi est essentiel et encore une fois pas forcément le plus simple. Bah en fait le truc c'est que j'essaye de donner envie en prenant ça avec humour. Oui. Je me suis vraiment fait chier sur les biographies de chaque compte. Il y a à chaque fois il y a un jeu de mots pourri ou alors une petite référence à l'actu rigolote. Enfin j'essaye de les tourner comme ça. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai fait des fiches personnages. Par exemple la lune c'est une coquine quoi. Elle allume tout le monde. Elle rêve que d'une chose c'est que des hommes reviennent la visiter avec tous les sous-entendus sexuels que ça peut contenir. Enfin donc j'essaye vraiment. C'est pour ça que j'ai créé des fiches personnages. C'est pour qu'on s'identifie et puis que voilà qu'on s'y intéresse et que ça donne envie d'aller parler à la lune au soleil. Et c'est marrant quand les gens le font quoi. Ça me fait hurler de rire. Vraiment, moi, ça m'amuse beaucoup. Voilà. C'est carrément cool, en tout cas. Enfin, ok, pour continuer un peu dans un autre registre, t'as un pied carrément dans différents univers. D'une part, dans le monde de la télé, médias traditionnels, et puis d'autre part, dans le monde des médias sociaux. Est-ce que t'as une analyse sur les rapports qu'entretiennent ces deux types d'approches? Est-ce que c'est compatible, c'est complémentaire, ce sera bientôt indissociable? Alors le truc c'est que je fais une émission de télévision mais qui est quand même basée au tiers sur l'interaction avec les internautes. Cela dit, moi avant je regardais pas du tout la télé. Donc, je sais pas, c'est un peu flou pour moi ce qui se passait à la télé avant que Internet arrive. Mais je pense qu'effectivement, comme tu le dis, ça va devenir indissociable. Parce que maintenant, le sport national sur Twitter, c'est de live tweeter, donc de raconter en direct ce qui se passe à la télé. C'est une sorte de machine à café du lendemain au bureau où on commente l'émission, sauf que c'est en direct avec, avec les amis virtuels. Mm-hmm. Donc, et ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et Médiamétrie va commencer à prendre en compte et enfin tout ce qui est audience de podcast, des émissions en ligne, etc. Donc les deux mondes commencent à se fondre l'un dans l'autre. Je sais pas ce que ça va donner par la suite. J'espère que ça se fera en bonne intelligence et en respect de chacun des deux médias. Mais voilà, c'est le souhait que j'ai. Mais je pense qu'on va dans cette direction, ouais. Et est-ce que les 30 comptes de l'univers ont déjà live tweeté un événement? Oui, oui, ça m'arrive. Ben, des fois, quand il y a des documentaires à la télé, je les live tweet. Ou moi, quand je regarde en DVD, je le fais aussi. J'ai été invitée par le CNES le 6 août dernier à l'atterrissage de Curiosity sur Mars. Et donc, le compte de Mars l'a live tweeté. C'était marrant parce que je suis arrivée, on m'a dit « Mais bonjour, qui êtes-vous? Votre carte d'identité ?» Et j'ai répondu « Je suis Mars !» Et on m'a dit « Oui, oui, ok, effectivement, vous êtes là. » J'aime pas. C'est bon, ça. C'est excellent. Robin, peut-être rapidement, t'as un mot à dire sur la complémentarité des médias? Ah bah ouais, enfin moi là, ça, pour le coup, je suis relativement bien placé, je pense, parce que moi j'ai vraiment, ce que je disais tout à l'heure, j'essaye pas de diversifier les sujets, mais plus les supports, et c'est des modes d'approche et des choses qu'on peut faire passer ou pas de façon très différente. Enfin, je veux dire, pour prendre quelques exemples vite fait... Un atelier, par exemple, ça veut dire que les gens sont, on s'adresse plus aux gens de façon individuelle, on va leur faire faire des choses, ils vont expérimenter des choses tout seuls. L'exposé, c'est pas le cas, mais l'exposé, par contre, on a quand même les yeux des gens en face, on voit s'ils ont pigé, s'ils ont pas pigé, ils peuvent éventuellement poser des questions. En revanche, ils peuvent pas revenir en arrière s'il y a un truc qu'ils veulent réentendre. L'article, il y a des illustrations. Donc on peut se baser sur des illustrations qui sont souvent des moyens d'expliquer des choses de façon très, très, très claire. Mais par contre, puis on peut revenir sur le texte en arrière, etc. Par contre, on peut difficilement poser des questions à un article. Enfin bon, les expositions, il y a les articles avec des manips, c'est comme un article mais avec des manips en plus, mais sauf que les gens sont debout, ils n'ont pas envie de lire tout. Donc c'est vraiment toujours des supports très, très complémentaires. Moi je trouve qu'il y a un truc avec tout ce qui est image dont il faut se méfier énormément. Moi par exemple, quand je fais des exposés, c'est très très rare que j'utilise des diaporamas, je déteste ça. Ouais, j'aime vraiment pas ça, je fais ça quand j'ai pas le choix, mais. Les trois quarts du temps, j'essaie d'avoir des manips en vrai, ou alors d'écrire moi-même, de dessiner moi-même des choses, parce que je trouve que quand on est pris par une image, que ça soit la télé, que ça soit un diaporama, que ça soit ou même une expérience un peu trop spectaculaire, il y a un danger d'être pris par ça et de plus écouter ce qui se passe et de plus se concentrer sur ce qui se dit. Et par exemple, ça, c'est vraiment quelque chose de voilà qui est propre aux médias qu'on utilise. Et c'est vrai que la télé, j'ai jamais essayé. Mais je suis moyennement tenté. Autant l'audio, la radio, oui, ça m'intéresse. Autant la télé, j'ai peur que... Alors, bon, je pense qu'il y a moyen de faire ça très bien, hein, mais pour le coup, là, j'ai pas de sens... Enfin, je sais pas, de feeling là-dessus, quoi. Pour noter les formules, etc. Enfin, c'est pas tellement les formules. Quand on fait la vulgarisation, on essaye d'éviter au maximum les formules, parce qu'on perd des gens. Mais par contre, on a vraiment des manips, ou alors on peut faire des dessins. C'est vrai que quand, les deux podcasts que j'ai déjà fait, heureusement que Nico a fait une illustration ou deux par moment, heureusement qu'il y avait le dossier écrit à côté, etc. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, c'est vrai que c'est quand même difficile à expliquer. Mais c'est aussi parce que je suis une novice là-dedans. Hein. Je pense en maths, c'est dur quand même d'éviter complètement les formules. Parce qu'il y a des moments où t'es obligé de décrire une formule, et quand tu décris une formule, c'est un peu difficile de pas avoir de support visuel. Même si en effet, tu avais réussi à réduire au minimum la nécessité de le faire, mais. Enfin, en tout cas, voilà, puisqu'on parlait de la complémentarité des médias, voilà, effectivement, quand il n'y a que le son, bon, il n'y a que le son. Mais quand il y a l'image, il y a des dangers aussi. Enfin, je trouve que oui, c'est pour répondre à la question, c'est vraiment très complémentaire. Alors, pour répondre à ta question sur les formules, à titre d'exemple, dans ma soutenance de thèse, donc qui n'est pas un exercice de vulgarisation, mais vraiment un vulgariste. J'y étais, je peux témoigner que c'était pas trois formules. Donc c'est pas obligatoire, c'est plus t'essaies de faire passer des concepts, donc t'as pas forcément besoin des formules. Les formules, c'est plus quand t'as vraiment envie d'entrer dans le détail, t'as besoin de les avoir pour techniquement pouvoir le reproduire, quoi. Mais pas pour comprendre. Ok, sur la complémentarité des médias, on a pas mal de feedback de la chatroom aussi. On a George McKee qui nous dit que tweeter en regardant la télé, ça veut dire un peu ne plus rien regarder du tout. On a Caracas qui nous dit qu'il faut être polyvalent. Je regarde la télé, dit-il ou elle. Je lis, je surfe en même temps, il faut avoir l'habitude. On a un débat, en fait, carrément sur Twitter, dans la chatroom. On va pas forcément le refléter ici. Pour le coup, je suis pas persuadé que ce soit de l'acquis. Hein. Je dirais plutôt de l'inné. Mais cela dit, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que sur Podcast Science, typiquement, d'avoir le dossier écrit et d'écouter en même temps, c'est clairement un plus. Enfin, c'est un nouveau média, ça, pour moi. C'est vraiment... Et puis là, je vous écoute, je participe à la chatroom et je fais tweeter la lune et le soleil en même temps. Ça, moi, pour le coup, je sais pas faire. Oui, qu'est-ce qu'il y a vraiment qui pète et voit ? C'est parce que vous êtes tous très forts en multitasking. Moi, je suis incapable de faire tout ça. Ouais, mais j'ai l'intention de faire un dossier sur le multitasking. Vous me verriez pendant que je fais des podcasts. Ouais. Je veux dire, je regarde dans le vide. Je suis complètement... Il faut dire que pendant que vous étiez en train de parler, j'étais en train de traiter la lune d'astre facile. Alors, c'est sans doute... Elle est en train de le tweeter. Et le soleil a tweeté la photo. La photo que tu as faite des microbes. Enfin, l'image. Ok, si on en revient un peu à ton expérience, donc ces 30 comptes Twitter, ça fait maintenant plusieurs mois, on l'a vu, que tu as lancé l'opération. Est-ce qu'avec le recul, tu as tiré des enseignements inattendus de cette expérience ? Oui, qu'il y avait plein de tarés comme moi. Ok. Et que je me sentais moins seule. D'accord. Ça me fait plaisir. Ça va faire du bien, je pense. Ouais, carrément. Non, mais c'est marrant, c'est un peu comme j'ai ça en moi depuis que je suis toute petite, mais que j'ai essayé d'en parler, de poser des questions et tout aux adultes qui avaient autour de moi, mais qui me regardaient comme si j'étais une martienne, en l'occurrence. Et donc, du coup, j'ai très vite gardé ça pour moi, j'ai gardé le silence et tout, mais c'est vrai qu'il y a 6 mois, c'était une sorte de coming out. Ok, c'est pas du tout dans mon parcours, dans ma formation, etc. Mais il y a ça en moi qui me passionne. Je sais des tas de trucs, je me pose des tas de questions. Je peux vous expliquer ce qu'est le boson de Higgs si vous voulez, alors que j'ai un bac L et que voilà. Et donc du coup, ça a beaucoup surpris les gens autour de moi. Mais en plus, moi, ça m'a permis de me sentir moins seule parce que j'ai compris qu'il y avait des gens aussi que ça passionnait. Et ça fait plaisir de les rencontrer, de participer à des apéros sciences, par exemple, ce genre de choses, de partager, de rencontrer des tas de gens, de participer à des événements auxquels j'aurais jamais eu accès si j'avais pas, si j'avais pas fait ça. Enfin, c'est génial. C'est vraiment. Alors, entre soi, 5 sur 5 ici. Ouais, je rêve du jour où ça choquera plus personne, quoi. C'est-à-dire que les gens considèrent, il y a encore beaucoup de gens qui considèrent je les croise encore régulièrement au palais. Qui considèrent que dans la vie on est soit scientifique soit littéraire, quoi. C'est quand même vraiment dramatique, et je leur réponds régulièrement en disant s'il vous plaît ne me traitez pas de scientifique, quoi, parce que je le vivrais très mal. Ça veut dire que je n'ouvre jamais un bouquin de ma vie autre que un bouquin qui parle de maths. Ça serait quand même triste, quoi. Ok, sinon on avait une question pratique de Nico qui est en train de faire 4 trucs en même temps là, donc c'est moi qui vais poser la question pour lui. Comment est-ce que tu fais pour gérer autant de comptes? Tu utilises quels outils? J'utilise TweetDeck, voilà, qui est un client Twitter, et donc il y a les 30 comptes dessus. Enfin, il y a les 30 comptes, il y a juste les colonnes de mention. Enfin, c'est un peu technique, hein, c'est pour ceux qui connaissent bien Twitter, c'est un peu abscon comme vocabulaire pour ceux qui n'y sont pas du tout habitués. Mais voilà, comme ça, je sais à chaque fois, dès que quelqu'un parle à un de ses comptes, je vois le tweet qui arrive. Voilà, pour faire simple. Et donc, ça va très rapidement. Et j'ai ma liste Twitter, où je liste des plus de 250 comptes liés à la science, qui sont soit des médias, soit des scientifiques, soit des astronautes, enfin un peu de tout, ou alors tous les comptes de la NASA, les comptes des sondes, des robots, etc. Et je picore là-dedans pour alimenter les 30 comptes de l'univers. Voilà. J'imagine que t'as pas le droit d'attendre avant de répondre à un tweet, du coup, quoi. Sinon ça s'empile très très vite. En fait, le truc, c'est que comme je suis pas tout le temps le nez dessus, parce que j'ai un métier, hein, des fois, je réponds avec quelques jours de retard, mais c'est pas grave, parce que si, par exemple, c'est les exoplanètes, je dis, je suis très très loin, alors le temps que le message arrive et que la réponse vous arrive, c'est normal qu'il y ait 5 jours. Parce que, à côté de ça, elle a un métier qui est d'être sur Twitter tout le temps. Ouais. Non, mais je veux dire, ça doit s'accumuler très très vite. Enfin, je vois, moi, ne serait-ce qu'avec mon boulot qui n'est a priori pas du tout lié avec Internet, Twitter ou autre, quand je pars une semaine en vacances, j'ai un tombereau de mails à gérer, toi, avec tes je sais pas combien de comptes, ça doit être l'enfer, quoi. Mais cela dit, tout le monde ne parle pas à tous les comptes tout le temps. Hein. Ouais. Par exemple, le compte, je sais pas, moi, pour en prendre un, le compte du 8 Bang, il a pas beaucoup d'abonnés, il a pas beaucoup d'actu non plus, donc c'est plutôt assez calme. Les comptes les plus actifs, c'est plutôt le Soleil, la Terre, la Lune, les exoplanètes, enfin selon le Titan, là, parce qu'il y a une petite actu, enfin tu vois. Il n'y a pas de jalousie entre justement ces contes qui sont plus ou moins appréciés? Si, il y a de la jalousie. Ben, il y a Uranus déjà qui déteste tout le monde parce que ben, les Terriens ne s'intéressent pas beaucoup à lui. C'est une planète qu'on ne connaît pas très très bien, à laquelle on s'intéresse peu, et donc ben, il envoie chier tout le monde en général. Mais sinon, le Soleil est souvent jaloux de la Lune. Mars, ça va, elle est contente, hein, Mars. Puisqu'elle a plein de robots, donc elle est ravie. Mais sinon, c'est Pluton qui fait la gueule. Ouais, Pluton tire la gueule parce que c'est plus une planète et ça. Alors, ça, je comprends. Hein. Ouais, je comprends. Ouais. 100% d'air. Je l'aurais mal vu. Pourquoi c'est plus une planète, Pluton? Bah, parce que sinon, il fallait en rajouter une autre, il fallait faire un choix. Ouais, mais bon, attends. Hein. Tu peux pas considérer. Ah non, mais moi j'étais d'accord pour en avoir une de plus. Hein, ah ouais, bien sûr. Mais... Ça t'énerve pas, Florence? Que Pluton ne soit plus une planète? Tout à l'heure, parce que vous allez tous avec Pluton, mais ça ne me. Ben non, parce que si on part. Parce qu'il y a quand même des raisons pour lesquelles elle a été. Ça a été décidé que ce serait une planète naine et plus une planète. C'est la taille, je crois, c'est le fait que les autres objets aux alentours soient super proches. Enfin, il y a plusieurs critères et j'ai trouvé que c'était des critères cohérents et justes, mais qui suis-je pour juger ces critères que des scientifiques ont donné, enfin voilà, non, mais moi ça me paraissait cohérent cette décision. Donc... Non, mais en se plaçant la place de Pluton, c'est dégueulasse quoi. C'est... Ouais, c'est ça, ouais. Du point de vue de Pluton, c'est vrai. Mais il est pas. Ouais, c'est... Sa bio, je suis la Grèce du système solaire. Ok, peut-être un dernier mot sur ta liste. Comment est-ce qu'on fait pour s'y abonner? Eh bien, en fait, le plus simple, c'est d'aller sur mon compte perso, Florence Porcel. Tout simplement. Et dans mes listes, il faut aller dans mes listes, et elle s'appelle l'univers, tout simplement. Et donc là, vous pouvez vous abonner à la liste, ou vous pouvez vous abonner à chacun des comptes qu'il y a dans cette liste. D'accord. Et quand on s'abonne à la liste, du coup, on voit les dialogues? Oui, on voit les dialogues, mais si on a une colonne quelque part avec la liste, ou quand on va sur le lien vers la liste en entier. Ouais. Une colonne dans TweetDeck, donc. Donc la meilleure technique, c'est aller sur Twitter, chercher Florence Porcel, P-O-R-C-E-L pour Porcel, et là, on va trouver toutes les infos à partir de ton compte. Il faut aller voir mes listes, et ça s'appelle l'univers. L'univers. Ouais. Ok, bon, sinon, on a eu tout un débat sur le multitasking dans la chatroom avec Caracas qui dit qu'il peut pas faire un seul truc à la fois, qui s'est fait engueuler par tout le monde, qui disait que certaines activités méritent quand même qu'on y consacre 100% de son attention. Faut qu'il rencontre Nico. Ouais, justement, ouais. Il y a une histoire d'amour en devenir. entre Caracas et Nico, c'est tout à fait possible. Juste pour info, j'ai commencé à me documenter sur la question, parce que moi j'y croyais pas du tout au multitasking, jusqu'à ce que je rencontre Nico et que je m'aperçoive qu'effectivement c'est possible. Et du coup j'ai commencé à me documenter, puis je suis tombé sur des études scientifiques qui valident que ça existe. En fait, ça concerne 2,5% de la population, et il y a des gens dont le cerveau est effectivement câblé pour multitasker. Je sais pas quand je vais faire ce dossier, mais je le ferai une fois et puis on fera... Et alors, pour préciser, c'est là où c'est intéressant de faire des protocoles expérimentaux, pour pas se dire que c'est un avantage de pouvoir multitasker, c'est que moi je suis incapable de ne pas multitasker. C'est ça. C'est-à-dire que quand je dois bosser, je commence par me chercher un film en même temps, quoi. Là, je fais ça, mais juste pour manger. Mais ouais, c'est ça, et encore. Et encore, du coup, la fourchette arrive régulièrement à côté de la bouche. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Je voulais qu'on parle un petit peu de la folle histoire de l'univers, donc ton podcast. T'as dit que t'en étais au 9e numéro, c'est ça? C'est celui de ce week-end, ce sera le 9e, ouais. Avec un emploi du temps aussi hallucinant que le tien, c'est pas une idée un peu saugrenue, lancer un podcast par-dessus le marché? Si, je me déteste tous les samedis, voilà. Ok, toi c'est le samedi, d'accord. Oui, parce que j'y passe mes samedis, voire mes samedis et dimanches, comme c'était le cas ce week-end là, parce que j'ai eu des problèmes techniques, ma voisine qui faisait le bordel au-dessus, donc pour enregistrer le son, c'était pas possible. Enfin bref, peu importe. Mais cela dit, alors c'est contraignant, certes, ça me bouffe la moitié de mon week-end, mais ça me détend et puis ça m'amuse. Alors du coup, pour l'instant, je tiens le coup. Parce que vraiment, ça fait fonctionner une autre partie de mon cerveau, et ça me détend. Et en plus, c'est quelque chose que j'ai vraiment en moi. C'est, voilà, j'ai besoin de m'y intéresser, j'ai besoin de partager ça, et donc voilà. Ok, je crois que c'est aussi quelque chose qui nous parle autour de la table, on peut comprendre. Tu peux nous présenter le concept en quelques mots? Oui, alors c'est un podcast vidéo d'une dizaine de minutes qui parle des sciences de l'univers en général, donc de l'infiniment grand à l'infiniment petit, en 8 catégories, voilà, qui sont par exemple la date de la semaine, la personnalité, l'info, l'événement, l'image, voilà. Ok, et puis donc l'émission, le podcast dure une dizaine de minutes. Ouais. Et puis préparer ces 10 minutes, ça te prend 2 jours, c'est ça ? Ça me prend entre 12 et 15 heures par semaine. Entre 12 et 15 heures pour préparer 10 minutes d'émission. Ouais, bah ouais, parce qu'il faut faire toute la veille déjà. Il faut récupérer les infos chaque semaine pour le remplir. Et ensuite, il faut rédiger. Et pour rédiger, il faut souvent que j'aille me renseigner, que j'aille voir dans des bouquins une définition d'un mot pour bien la vulgariser, enfin l'expliquer avec mes mots à moi, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de boulot. Et tu as beaucoup de contenu aussi. Tu as les images aussi à récupérer. Ouais, aussi. Pas mal de temps que je prends sur le montage parce qu'il faut que je récupère des vidéos ou des images, des captures d'écran, que je mette tout ça à la bonne, enfin que je cale tout ça sur la voix, etc. Enfin c'est vraiment beaucoup de boulot. Ouais. J'imagine la galère pour avoir essayé 2-3 fois de rajouter des images à mes podcasts. Oui, vas-y. Non, c'est juste, je vais être très désagréable. Je m'en veux tout de suite, mais je vais faire mon psychorigide de service. Ça fait 2 fois que tu dis l'infiniment grand, l'infiniment petit. Réécoute le podcast de Nico sur l'infini. Non, mais je l'ai écouté en partie. Ouais. Non, mais c'est juste, c'est une espèce de snobisme des matheux, mais c'est vrai que personnellement, ça me dérange quand même parce que bah malgré tout, c'est chasse gardée des matheux quand même l'infini quoi. Non, mais c'est surtout que ce que tu veux dire, c'est qu'il y en a plusieurs, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. Non, mais non, vous commencez pas les gars. Quand on parle d'infiniment grand et d'infiniment petit, on veut juste dire très grand, très petit, et je trouve que c'est une façon de survendre de façon un peu fausse. Oui. Absolument. Mais c'est vrai que c'est ce que, enfin voilà, comme je suis pas spécialiste, c'est ce que je lis beaucoup dans tout. Ah, mais c'est ce qui est écrit partout. C'est une licence poétique. Ouais, mais moi, ça me dérange à chaque fois. C'est de l'art. Ça me dérange à chaque fois. Ouais, je peux pas comprendre, je suis scientifique, c'est ça. Tu retournes dans tes livres de maths. Florence, est-ce que tu sais déjà de quoi tu vas parler dans les prochains épisodes ? Dans les prochains épisodes, non, mais dans le prochain épisode, oui, ben, l'info de la semaine, c'est cette exoplanète errante qu'on a trouvée pas loin de chez nous. L'événement, c'est l'éclipse solaire qu'il y a eu en Australie. Voilà, puis d'autres trucs, je crois, mais j'ai pas ça sous les yeux ni en tête. Mais voilà, ça se construit. Ok. Et t'as des retours des poditeurs de la communauté ? C'est plutôt positif ? C'est plutôt très positif, ouais. Bah ouais, carrément. J'ai plein de commentaires sur iTunes, mais sur mon blog aussi. Et puis sur Twitter, hein, sur Twitter pas mal. Et puis hier au Golden Blog Awards où nous nous sommes rencontrés, n'est-ce pas ? Il y a plein de gens qui sont venus me voir en disant c'est chouette, donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Et puis sur iTunes, je suis plutôt bien classée. Je suis même devant la NASA. Voilà, il fallait que je le place. J'adore faire ma crâneuse. Comme tu es devant tout le monde, donc. C'est vrai que je suis devant tout le monde, mais notamment devant la NASA et le CNES et pas le CNES et le CNRS et Ciel et Espace. Enfin c'est drôle, c'est marrant, enfin c'est pour eux c'est dur, hein, je ne sais pas si ça va durer, mais pour l'instant j'en profite, voilà. Le nombre de comptes Twitter ne rentre pas dans le classement. Mais non, c'est le classement du podcast, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est le podcast, pardon. Ok, t'as évoqué tout à l'heure tes sources d'informations. Moi je suis allé jeter un coup d'œil à ta liste science, j'ai vu qu'elle contient énormément de sources anglophones. Et ouais, je me demandais si là aussi tu avais peut-être une analyse, une réflexion. Est-ce que tu penses qu'il y a des approches différentes dans la communication scientifique des deux côtés de la Manche ou des deux côtés de l'Atlantique ? Est-ce qu'il y a des enseignements à en tirer ? Je sais pas s'il y a deux manières de fonctionner, mais en tout cas, je sais que la NASA est assez incroyable, c'est assez incroyable ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, parce que chaque sonde, chaque robot envoyé soit autour de la Terre, soit dans l'espace a son compte, et c'est incroyable parce qu'ils tweetent vraiment tous les jours. Et j'en avais parlé avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et qui disent mais on aimerait bien faire pareil, mais on n'a pas les moyens financiers quoi. Donc je crois que c'est vraiment pas une question de volonté ou qu'on sait pas faire. On sait faire, mais c'est juste on n'a pas forcément les mêmes moyens qu'outre-Atlantique. C'est dommage. Mais à part ça, il y a des deux côtés de l'Atlantique, il y a les mêmes personnes avec les mêmes envies, les mêmes passions, la même envie de partager, de vouloir communiquer autour de ces questions-là. Mais c'est juste, je pense, une différence au niveau des moyens mis en œuvre, des politiques aussi. Je sais pas, des politiques intérieures à chaque agence, j'en sais rien, je sais pas. Mais des deux côtés de l'Atlantique, ouais, je pense qu'il y a la même envie. Après. c'est à chacun de voir comment on s'organise, quel budget on a, etc. Quoi. Okay. Robin, un commentaire éventuellement ? Non, bah oui, c'est quelque chose qui se dit couramment dans le monde de la vulgarisation, qu'il y a des styles quand même suivant les pays, effectivement. Bah, alors là, moi, je ne vais pas parler trop d'Internet, hein, puisque je rappelle que je suis web 0.05. Mais c'est vrai que quand on lit de la vulgarisation à l'anglo-saxonne, comme ça se dit, c'est relativement différent. Souvent, c'est des espèces de livres qui se lisent de bout en bout, qui se lisent plus ou moins comme un roman. On raconte une histoire. Voilà, les moments de vulgarisation sont vraiment complètement mélangés, complètement indiscernables de toute une histoire qu'on raconte aussi sur la vie des chercheurs concernés, etc., etc. Enfin, je fais déjà en réalité. Faut pas prendre ça. Enfin, il y a aussi des personnalités en dehors des styles, hein. Mais c'est vrai que on parle de différents styles, on parle de vulgarisation à la russe, par exemple. J'ai entendu récemment quelqu'un, ouais. Il y a vulgarisation à la russe. Bah, je sais pas exactement, moi je connais pas très très bien, puis en plus je suis très moyennement anglophone et puis alors russophone quand même pas. Mais c'est vrai que quand même qu'on sent quand même des différences. Et donc j'en ai parlé, la personne qui m'a parlé de ça est quelqu'un qui a un parcours assez particulier, puisque c'est un japonais qui est venu étudier en France et qui maintenant est prof en Angleterre. Et est passionné de vulgarisation, c'est un physicien mathématicien, et donc il a étudié beaucoup de façons de faire de la vulgarisation différente, justement. Et quand on lui a posé la question de savoir ce qu'il trouvait bien fait, etc., il a dit allez voir chez les Russes, il y a des choses passionnantes. Donc il y a quand même effectivement des façons de faire, et qui remontent éventuellement à longtemps d'ailleurs. Ouais, sûrement, j'imagine que chez eux ça doit dater de la guerre froide en fait. Il y a même largement avant de la vulgarisation, il y a une référence énorme en maths qui s'appelle Flatland, qui est un bouquin on a déjà parlé d'ailleurs dans le podcast Science, qui date de la fin du 19e siècle. C'est un anglais, c'est un écossais, voilà. Je vais me faire taper dessus. Attention. Donc voilà, est-ce que ça aurait pu exister en France? Oui, probablement. Est-ce que ça aurait pu exister ailleurs? Oui, probablement. Mais c'est vrai que, par exemple, si on prend une personne qui est relativement connue dans la vulgarisation des maths en France, qui est Jean-Paul Delahaye, c'est finalement quelque chose à picorer, dans lequel on retrouve du contenu pur, mais à picorer. Si on prend quelqu'un comme Simon Singh, là, ou je sais plus comment on prononce ça, c'est un bouquin à lire de bout en bout, dans lequel les éléments sont plus dilués. Enfin, bon, après, faut pas faire de généralité. Ian Stewart, il fait des trucs à picorer, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se dit. Après, il y a les Américains, ils ont aussi toute cette culture du divertissement. Moi, j'en parle beaucoup, mais je prends l'exemple de Brian Greene. Ses livres, c'est du show, quoi. Et d'ailleurs, ça a été adapté en documentaire à la télévision, mais c'est du show de bout en bout. Il le tient, mais c'est une histoire qu'il raconte, c'est des effets, c'est produit de manière incroyable avec les moyens financiers derrière. En France, on n'a pas ça, par exemple. Alors, je sais pas si c'est une volonté de pas le faire ou si c'est vraiment dans la culture américaine de faire du divertissement, mais j'ai pas l'impression qu'en France, on puisse faire pareil. Voilà. Moi, je suis allé assister à New York, c'était il y a une année ou deux maintenant, au World Science Festival, qui est organisé par Brian Greene, justement. Et c'est vrai que c'est du show business, en fait. Ouais, voilà, c'est du show. Ouais. Les conférences démarrent à l'heure du show télévisé, en prime time, à 20h30, 21h. T'as vraiment une atmosphère de show télévisé, un rythme endiablé. Ça me dérangeait un petit peu. Pour ma sensibilité européenne, c'était un peu too much, quoi. Ouais, moi il y a des trucs comme dans les choses dont j'ai parlé. Il y a par exemple quelqu'un qui s'appelle Marcus Dussautoit, qui a sorti plusieurs bouquins dont on a beaucoup parlé. Moi, Marcus Dussautoit m'agace profondément très régulièrement. Je trouve qu'il y a des trucs qu'il explique très très bien, il y a des choses passionnantes qu'il raconte, mais quand il commence à partir dans des délires à moitié mystico, je sais pas quoi, parce que il a envie de faire mousser tout ça, moi personnellement ça me gêne énormément, effectivement. Après, sur ce qui est spectacle, bah, le Palais des Découvertes, on est quand même bien placé pour savoir ce que ça veut dire, hein. Je veux dire, particulièrement la physique ou les machins comme ça, l'électrostatique, on fait des éclairs immenses, des choses comme ça, évidemment que c'est un ressort. C'est du show, ouais. Ouais, évidemment que c'est du show, mais c'est vrai que c'est du show où on ne sort pas du contenu malgré tout, ou très très peu, j'ai l'impression, par rapport probablement à d'autres façons de faire. Mais encore une fois, je dis pas c'est une tradition française, anglaise ou quoi, mais c'est à part, enfin voilà, c'est, je pense quand même qu'effectivement il y a toute une tradition anglo-saxonne de partir un peu en vrille autour d'eux, de faire mousser, etc., qui peut être bien faite, hein, mais... Quand tu parlais de Simon Singh, alors c'est S-I-N-G-H, hein, pour ouais, le chat. Tu sais pas prononcer non plus. C'est Simon Singh. Voilà. Ouais. Et lui, moi, je trouve pas qu'il s'éloigne du contenu. C'est plus qu'il l'organise, il l'organise vraiment d'une façon où ça se lit d'une traite, même pour les non-matheux. Lisez le dernier théorème de Fermat, c'est un régal. et l'histoire du Big Bang, ça, si Florence, tu l'as pas lu, c'est juste merveilleux. Ouais, c'est le roman du Big Bang. J'en ai lu pas mal, alors il faudrait que je vois dans ma bibliothèque si je l'ai ou pas. Et voilà, et pour lui, il s'éloigne pas du tout du contenu, mais il organise ça en effet de façon où tu lis du début à la fin sans t'embêter. Ouais, non, mais il y a aussi peut-être la place donnée aux images. Par exemple, quand on trouve une image, une analogie, s'il y en a, une image, une analogie qui aide à comprendre, dans quelle mesure on lui donne de l'importance, jusqu'où on file la métaphore, etc. Ça, je pense qu'il y a aussi des choses comme ça qui sont un peu différentes probablement d'un pays à l'autre. Ok, sur les sources, les auteurs en particulier, est-ce que tu aurais des gens à nous recommander, Florence? Bah oui, mais ça va être toujours ceux qu'on connaît déjà, donc bah il y a évidemment Stephen Hawking, il est un peu incontournable, Brian Greene, Jean-Pierre Luminet, André Braic, pas beaucoup de meufs, hein. qui est-ce que je pourrais citer également? Je ne sais pas comment on prononce son nom, mais il a un nom un peu chinois. Trin Xuan Tuan, un truc comme ça. Sinon, voilà, je crois que j'en ai pas d'autres en tête. Je me permets d'intervenir pour les gens qui, comme moi, sont plus matheux que intéressés a priori par l'astronomie. Jean-Pierre Luminet est la seule personne qui a réussi à m'y intéresser vraiment. Waouh! Ouais. Dis-moi. Ouais. C'était, je m'en souviens parce que c'était très surprenant pour moi. C'était quelqu'un qui, pour la 10e fois, essayait de m'intéresser à ça et m'avait déjà fait plusieurs essais. Elle m'avait offert un bouquin de Stephen Hawking que j'ai jamais réussi à passer la première page, etc. Et, je suis un cas désespéré là-dessus. Hein. Je me soigne, mais. Et Jean-Pierre Lumineux, j'ai vu. Alors, c'était plus facile aussi parce que c'était un film. J'ai vu une conférence où il parlait de la forme de l'univers, justement, de choses comme ça, et j'ai trouvé ça assez génial. Étienne Klein, c'est une star, c'est des shows. C'est une star, ouais, un peu de. Ah bah ouais, c'est une star, bah c'est une super star, bah, carrément. Moi, voilà, je voudrais l'épouser un jour. On a peu de danser, s'il nous écoute. Je suis pas complètement ça. Enfin, viens dans mon ex-master, tu pourras l'avoir en cours. Il est au conseil scientifique du Palais de la Couverte aussi, si tu veux. Ok, on a George McKee dans la chatroom qui nous dit que la collection Big Question de Simon Blackburn, c'est formidable. Et puis il dit, non, pas Trin, c'est du mystique. Bah, ça dépend des livres. Voilà, bah on vous laissera discuter dans la chatroom. Florence, est-ce que tu as d'autres projets dans les tuyaux? Bah, ça va aller, là, je crois, non? Oui, j'en ai. Mais comme je ne peux pas trop en dire plus, voilà, je vais m'arrêter là. Bon, bah, tu reviendras. Enfin, ce serait un peu prématuré, quoi, voilà. Dans le domaine de la vulgarisation scientifique ou dans d'autres domaines? Oui. D'accord, ok. On suivra ça avec grand intérêt. Ok, donc t'empiétais sur les week-ends, tu vas empiéter sur les nuits bientôt. Ça, j'ai déjà sans fait. Sans doute, il va falloir faire un choix, au bout d'un moment. Alors, multitasker, c'est pas mon fort, mais t'assure qu'avec de l'entraînement, on peut arriver à dormir 3 heures par nuit. Ah ouais, mais moi j'ai besoin de mes 8 heures, moi. Non, ça, tu crois que t'as besoin de tes 8 heures. non, vraiment. Ok, et puis, bah, tout ce dont on a parlé, où est-ce qu'on le trouve sur le web? Comment est-ce qu'on fait pour consulter ce que tu diffuses, ce que tu proposes? Alors, il suffit de taper mon nom sur Google et mon blog arrive en tout premier. D'accord. Et via mon blog, on a accès à tout, à Twitter, à Facebook, au flux RSS du podcast, aux podcasts même qui sont sur YouTube et que je mets sur mon blog. Voilà. Okay, et mon blog, c'est florenceporcel.com. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. D'accord, et puis on va peut-être rappeler, alors s'il faut chercher sur Google, Porcel, ça s'écrit P comme Patrick, O-R-C-E-L. Parfait. Voilà. Florence, F-L-O-R-N-C-E, tout le monde connaîtra. Ouais, oui. Je suis analphabète, donc C'est bien de penser aussi. Magnifique. Bah écoute, Florence, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Ah mais non, mais merci à vous, mais je suis très honorée d'être dans le podcast des lauréats des Golden Blog Awards. Et nous, on est très honorés d'avoir la numéro 1 du classement iTunes. écoute, pourvu que ça dure, mais c'est fluctuant. Bon, il faut reconnaître qu'on a tous été très bons sur le timing, pour le coup. Ok, bon, on va enchaîner, on va passer à la suite de l'émission. On va voir de quoi on va parler la semaine prochaine. Donc le One Minute Pitch va être... On va entendre la voix de Caroline, qui est une auditrice, qui est psy, qui est une amie, qui est en quelque sorte la marraine du podcast. Je vous expliquerai pourquoi, enfin on en parlera plus tranquillement la semaine prochaine avec Caroline. Elle va venir la semaine prochaine nous parler des thérapies centrées sur la personne, c'est de la psychologie, en nous présentant Carl Rogers. On l'écoute. Depuis les années 70, les études comparatives en psychologie ont démontré que toutes les approches thérapeutiques se valent. Par approche thérapeutique, j'entends par exemple les thérapies systémiques, les thérapies cognitivo-comportementales, l'approche centrée sur la personne, les approches psychodynamiques, et il y en a d'autres, ce sont des exemples. Donc des recherches, il ressort que seul 8% du changement thérapeutique s'explique par l'utilisation de techniques spécifiques et que les 92% restants par des facteurs communs à toutes les psychothérapies. Donc, l'influence des variables telles que la qualité de la relation ou des variables liées au thérapeute lui-même est considérable. Carl Rogers, fondateur de l'approche centrée sur la personne, a été le premier à affirmer que c'est la relation qui est thérapeutique. Je vous propose donc de revenir sur la vie de ce grand monsieur et sur ce qui l'a conduit à une telle affirmation. Voilà, voilà, tout un programme. Donc ça, c'est au menu de la semaine prochaine, donc le jeudi 22 novembre à 20h30 en live dans la chatroom. On enchaîne avec le son de la semaine, que j'ai vraiment un énorme plaisir à vous le faire écouter. Allons-y. Marie a déjà remis l'enveloppe, qui est le... Et le lauréat est... Tracker, Séverine. Podcast Science, la science sans prise de tête. On les applaudit, très fort, excellent. Excellent, bien, salut bien Marine. .fm, bonne vulgarisation, podcast de science. Un très beau dossier sur la science ou la sieste, que j'ai beaucoup apprécié. C'est un blog de passionnés, ils ont fait à peu près un billet par semaine, il y a plein de catégories, c'est très très très bon. Alors, c'était hier soir à la mairie de Paris, désolé. Bah, bravo. Yahoo. Merci. Bon, on n'a pas fini de fanfaronner, vous risquez de l'entendre encore un moment. Donc... Ça va devenir notre générique, je pense. On pourrait, ça jusqu'à qu'on n'ait plus d'auditeurs qui nous écoutent parce qu'ils en ont marre. Non. Voilà, alors moi, comme une andouille, j'ai réussi à me retrouver dans une situation stupide où je n'avais pas préparé de discours, du coup j'ai bredouillé une connerie, c'est malin. Pourtant, c'était l'occasion de dire des trucs intelligents, de dire qu'on aime la science, c'est pas chiant, que ça n'a aucune raison d'être intimidant, au contraire, c'est passionnant. C'était l'occasion de remercier toute l'équipe présente et passée, soit non seulement Nico et David, qui étaient également présents à l'événement, mais aussi Mathieu, bien sûr, Antoine, Marco, Franck, Hélène, Robin, Lucille, de remercier les intervenants ponctuels qui ont coloré nos contenus de manière si particulière. Avant tout, notre valeureux adversaire Pierre Kerner, avec son excellent blog Strange Stuff and Funky Things, qui méritait tout autant que le nôtre de gagner, qui gagnera probablement l'année prochaine. L'occasion de remercier aussi des gens comme Xavier Durussel, Georges Mackie, qui n'hésitent pas à contribuer, de remercier nos auditeurs et lecteurs qui, semaine après semaine, nous encouragent, nous corrigent, proposent des sujets, passent derrière le micro, s'engagent d'une manière ou d'une autre, de remercier nos proches qui pourraient prendre ombrage du temps qu'on passe à préparer les émissions au lieu de passer du bon temps avec eux, mais qui nous soutiennent malgré tout. Mention spéciale à ma fille Gilda, d'ailleurs, qui se fait éjecter de sa chambre tous les jeudis pour que j'ai une porte à fermer. Merci enfin au jury de la catégorie science et au CNES, dont témoignage de reconnaissance personnellement m'émeut assez profondément. Moi qui pensais sincèrement en lançant le podcast il y a 2 ans qu'on allait déranger dans le paysage, en tout cas je ne m'attendais pas à être pris au sérieux par la communauté scientifique. Cette reconnaissance est vraiment un beau cadeau. Et puis voilà, last but not least, en déconnant sur Twitter, j'avais promis à l'Axolot de la remercier quand je montrais sur le podium. Et puis évidemment, en perdant mes moyens, j'ai complètement oublié de le faire. Donc cher Axolot, toutes mes excuses et j'espère que tu acceptes cette mention a posteriori. Bref, en résumé, c'était une occasion formidable de dire un immense merci à toutes celles et à tous ceux qui aiment et soutiennent ce que nous faisons. Vous méritez bien qu'on se décarcasse et puis tout ça n'est que le début, que l'aventure continue. J'ai le droit de dire un truc ? Vas-y. J'ai le droit de vous remercier, parce que bon, je veux dire, tu peux nous remercier, tu peux me remercier, je parle au nom des autres, mais arriver dans un truc où le cadre existe, où tous les détails techniques sont réglés, où j'envoie un dossier quand je l'envoie complètement pourri, et que je le retrouve à peu près mis en page avec les images mieux que quand je les ai envoyées, des images ajoutées, etc. C'est un peu du luxe quand même, hein, pour moi, faut bien avouer. Ou Alan corrige derrière mon orthographe à chaque dossier ou texte que j'écris, parce que sinon ce ne serait pas considéré comme du français par les moteurs de recherche. Ouais, non, mais vrai, j'admets, il y a une espèce de structure, c'est vrai. Comme tu disais, la technique marche. Ouais. On a encore vu ce soir qu'à chaque fois on est quand même un peu embêté, mais c'est mieux que si c'était moi qui m'en occupais en tout cas. Bon, ça finit par fonctionner, c'est vrai. Il faut laisser ça. Je vois qu'on a plein de clap-clap dans la chatroom. Et puis, Mantine me félicite pour mon discours. Ben voilà. Là, par contre, j'ai pas été bon sur le timing. Comme tu dis, hier, j'étais sans voix. C'est là que j'aurais dû le préparer. C'est malin. Ben, pour la prochaine fois, voilà. Sinon, comme on déborde un peu, et puis je m'y attendais un petit peu, l'audioblog de la semaine va être beaucoup plus court que d'habitude. C'est très court parce qu'il ne s'agit pas d'un blog scientifique ordinaire, mais d'un blog scientifique en BD. Alors, si vous voulez vraiment apprécier l'ensemble de l'expérience, il faut vous précipiter sur le site. J'ai un petit problème avec la chatroom, là, j'arrive plus à copier-coller des choses, enfin, j'arrive pas à m'exprimer dans la chatroom. Si jamais le site, c'est vran-blog.com. Deuxième spécialité, il n'a pas été enregistré par l'un d'entre nous, mais directement par son auteur, Vran, dont on savait déjà qu'il dessine comme un dieu, qu'il écrit avec un talent fou, et en plus vous allez découvrir ses performances à l'audio. Et accessoirement, c'est un petit peu en anglais, désolé pour les non-anglophones, mais il y a des choses qui ne se traduisent pas. Fans de Doctor Who, accrochez-vous, c'est pour vous. On the Origin of Species by Means of Wibbles and Wobbles par Vran sur le blog Megatherium vran-blog.com. People assume that evolution is a straight progression of simple to complex beings, but actually, from an ontogenic and phylogenetic viewpoint, it's more like a big bush of ancestry, novelty, branching, rooting, stuff. Voilà, gros coup de cœur en ce qui me concerne. Je suis un grand fan de Doctor Who. Moi, je n'ai rien compris. Ouais, j'ai essayé, mais j'ai compris. Et même la version BD. C'est vrai, c'est pas grave. Je pense qu'il faut vous initier d'abord. Et ça vous parlera après. Pour la référence, si jamais, pour les amis de Doctor Who qui ne se rappelleraient plus exactement à quoi ça se réfère. Saison 3, épisode 10, Don't Blink, l'un des meilleurs épisodes de tous les temps, où le docteur explique ce qu'est le temps, enfin ce qu'on croit qu'est le temps, et puis quelle est son explication à lui, et puis là évidemment c'est un clin d'œil, mais pour parler de l'évolution. C'est les anges. Ouais, c'est ouais. Ça. Ouais. On voit presque pas le docteur dans cet épisode. Je suis d'accord que je suis pas un fan de Doctor Who, mais cet épisode est très très très bon. Dans l'absolu, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de regarder Doctor Who pour regarder cet épisode. Ouais, c'est vrai. Ça s'apprécie indépendamment du reste. Yep. Donc, saison 3, épisode 10, Don't Blink. Et puis la scène en question se situe à 29 minutes et 58 secondes si vous voulez voir à quoi ressemblait l'original. Voilà. Rapidement, dans les retours sur les émissions précédentes, on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est un commentaire sur le dossier de la semaine dernière sur la tectonique des plaques par VPO. Oui, alors j'aurai un deuxième retour des émissions précédentes après. Donc pour la petite histoire, c'est Xavier Le Pichon, il donne la référence sur Wikipédia, qui a proposé le premier modèle en 1968 avec la description des mouvements de plaques et des failles sur les dorsales. Nous dit donc VPO. Voilà. Et alors moi, je vais avoir un autre commentaire des émissions présentes, mais là qui remonte à l'émission encore d'avant sur la mort, sur le sujet que j'avais fait, sur la sénescence, etc. Il y a un certain nombre de personnes, Xavier Durussel sur Twitter, je crois que c'est Mathieu sur le blog, qui m'ont fait remarquer à juste titre, en effet, que la ménopause avait... a lieu en moyenne vers 50 ans, et que l'espérance de vie n'atteignait pas les 50 ans au niveau de nos ancêtres. Donc comment est-ce que ça a pu être sélectionné? Ben, j'ai pas vraiment de réponse, c'est une question qui est posée régulièrement, enfin qui est posée par les personnes qui parlent de la sélection de la ménopause comme un potentiel avantage évolutif, ce que j'expliquais dans l'épisode en question. Néanmoins, il ne faut pas oublier que pour qu'il y ait sélection, il ne faut pas parler en âge moyen. Faut pas non plus morts avant la puberté, nécessaire pour se reproduire n'interfère pas du tout dans la sélection, vu que de toute façon ils se reproduisent pas. Et en plus, pour ce genre de cas, il suffirait d'une proportion relativement faible de personnes qui atteignent l'âge de la ménopause à condition qu'ils apportent un avantage, au groupe pour que ce trait altruiste, entre guillemets, puisse être sélectionné. Voilà, si vous n'avez pas tout compris, réécoutez l'épisode sur la mort et mon commentaire devrait être plus clair parce que je refais pas l'épisode par contre. Ok, et puis on va maintenant parler du quiz de la semaine dernière qui était, tu nous le rappelles ? Alors, la tartine tombe toujours du côté beurre, info ou intox ? Alors là, la première réponse nous est parvenue vendredi matin à 9h. Alors pour info, le podcast avait été mis en ligne dans la nuit quelques heures auparavant. C'est un commentaire d'Emmanuel. Alors, elle nous dit donc « Bonjour à toute l'équipe du Processeur Fun. Réponse, intox. » Alors, si ma mémoire est bonne, en fait, ça dépend de la hauteur d'où tombe la tartine. Imaginons que la tartine a une face nord et une face sud. La tartine glisse de la table à manger classique. La face nord tombe en premier, descend, et la face sud se lève. Cela crée un effet de rotation. La table à manger n'étant pas à la hauteur de la tartine, n'étant pas haute, la tartine ne fait qu'un demi-tour, 180 degrés, et tombe sur la face beurrée. Alors que si la table à manger faisait le double de la hauteur de la tartine, elle pourrait faire un backflip et retomberait sur ses pattes non beurrées. La tartine tombe à cause de la gravité. Alors, j'ai une petite quote à ce sujet d'Albert Einstein. Si les gens tombent amoureux, ce n'est pas à cause de la gravité. Voili voilou, nous dit Emmanuel. Bon. C'est avec une quote en plus. Oui, c'est fait le travail pour nous. Le style jusqu'au bout. On a un deuxième commentaire, c'est un commentaire audio d'Alefto. Notez bien le chant du coq en background, du coup j'ai compris d'où vient son pseudo, il ne l'a pas volé. Bonjour à tous, ici Alefto. Voilà, donc ma réponse pour la question sur la tartine beurrée, il semblerait qu'en effet elle tombe bien le plus souvent sur sa partie beurrée, non pas à cause d'un complot de l'industrie agroalimentaire, mais plutôt à cause d'un facteur principal qui serait la hauteur moyenne des tables, qui correspond à un nombre de rotations avant que la tartine se retrouve au sol, faisant que la plupart du temps c'est ce qui se passe. Voilà, donc j'imagine qu'il y a d'autres petits facteurs qui rentrent en ligne de compte, le poids moyen de la tartine, sa vitesse de rotation, tout ça doit être plus ou moins corrélé, vous nous direz tout ça, et a priori c'est une information que j'ai vu passer dans un blog scientifique, ça fait 2 ou 3 mois de ça, je n'ai pas retenu la source. Voilà, à bientôt, continuez, bravo à vous, à bientôt. C'est un sujet qui vous a inspiré en tout cas, parce qu'on a encore 2 commentaires, le premier de Guillaume Vendée. Alors, au sujet du quiz, la subtilité réside dans le terme « toujours ». Évidemment, la tartine ne tombe pas toujours du côté beurre, mais lorsqu'elle tombe, elle ne reste pas dans sa chute sur le même plan parallèle au sol ou à la table, mais subit bien une rotation due au poids plus important sur le côté de la tartine contenant de la confiture. Notant que le surpoids engendré sur un côté de la tartine n'est pas significatif s'il est constitué uniquement de beurre, avec comme référentiel le poids du pain constituant la tartine, mais plus significatif s'il est constitué de confiture ou à la limite de beaucoup de beurre. Si jamais c'est moi, là, c'est David qui parle, qui beurre la tartine, le beurre est amplement suffisant. Mais ça en devient écœurant, reconnaissons-le, là je ne suis pas du tout d'accord avec ce que nous dit Guillaume. Mais je le laisse parler et je continue. En effet, dit-il, le poids du pain est assez faible, réparti sur une grande surface. Le pain, finalement, il y a pas mal de trous, surtout le bon pain bien alvéolé, et la confiture, elle, représente un poids suffisamment significatif pour engendrer une rotation. Cela a pour effet d'entraîner, grâce à la force de gravitation, un mouvement de la tartine qui orientera alors son côté le plus lourd, constitué de confiture, vers le sol ou la table. En résumé, la tartine ne tombe pas toujours du côté beurre, mais tombe souvent du côté supérieur de la tartine, si ce dernier est constitué d'un élément que l'on peut considérer comme lourd en référence au poids du pain. De la confiture, par exemple, mais ça marche aussi avec du Nutella. Avec de la Nutella. dit-il, on dit de la Nutella et pas du Nutella. Décidément, on n'est pas d'accord. Reste que cela est valable si la tartine est suffisamment haute au moment de la lâcher de la dite tartine, car sinon, l'espace entre le sol ou la table et le point de départ de la chute n'est pas suffisamment important pour permettre la rotation de 180 degrés. Il y a Yves qui demande dans la chatroom, si on fait une tartine 2 fois plus épaisse, elle ne se retournerait pas. C'est sa question. Hein. Je pense que si jamais on essaye de faire une tartine en plomb, l'effet de la confiture sera négligeable. Néanmoins, je pense que gustativement parlant, l'avenir de la tartine en plomb n'est pas nécessairement assuré. Ouais, mais le pain hyper complet existe. Faudrait pas le négliger. Hyper complet et trop grillé. Et trop grillé. Il y a Yves toujours qui nous précise qu'on dit pâte à tartiner. Je crois qu'on dit huile de palme. Exactement, j'allais dire 40% d'huile de palme, j'irais pâte à éviter. Pingouin, il nous dit, moi je beurre toujours sous la tartine pour éviter ça. Ok, on a une autre proposition de Christine qui a également une explication. Et qui nous dit, je pense que la tartine tombe une fois sur deux du côté beurre, mais c'est peut-être trop simple. Je crois que ça m'embête que ma tartine tombe du côté beurre, et comme je suis énervé, je m'en rappelle bien. Dommage que j'ai tendance à oublier toutes les fois où elle tombe côté pain. Je me réjouis d'avoir la vraie explication scientifique. Chaleureuse salutation à toute l'équipe. Et ben, chaleureuse salutation aussi à toi, Christine, ainsi qu'à tous les autres qui nous ont répondu, et en particulier à Lefto qui a été jusqu'à faire un commentaire audio, ouais, ce qui est quand même la classe. Avec le chant du coq derrière. Avec le chant du coq, oui. Ce qui est encore plus la classe. Encore plus la classe. Florence, t'es toujours avec nous ? Ah oui, oui. Ouais, t'as une opinion sur la question ? Oui, j'ai une opinion. Alors moi, je règle le problème en ne mangeant pas de tartine. Ouais, ça marche aussi. C'est vrai que ça marche pas mal, ouais. Ouais, personne ne se posait la question du bol de céréales ou du fruit de l'orange pressée. Effectivement, c'est pas la même problématique. Voilà. C'est vrai que le vert d'orange tombe rarement côté bas du verre sans renverser le jus d'orange quand il tombe de la table. Bon, et puis on a Yves qui apporte une petite conclusion en clin d'œil, qui nous dit que chez lui, elle ne tombe jamais, elle est finie avant. Bon, bah, les amis, voici la très officielle réponse du professeur Fon. Voilà ce que j'ai préparé en fait hier dans le TGV à la place de préparer un discours. Alors, vous avez intérêt à écouter tout ça très attentivement, parce que ça m'a valu un grand moment de solitude. Voilà, c'était ça qu'il fallait dire pendant les jurys. C'est vrai. Ouais. La prochaine fois, je sors un petit dossier ou une réponse à un quiz. Bien sûr, ça nous est à tous arrivé au moins une fois, la fameuse tartine qui tombe de la table du côté beurré. On pense tout de suite à la loi de Murphy, que l'excellent guide du voyageur galactique, et oui, évidemment, je soigne mes sources et mes références quand il s'agit de choses aussi sérieuses, résume ainsi, tout ce qui peut aller de travers ira de travers. Les exemples typiques sont les vieux qui gagnent à la loterie, les poissons rouges qu'on a bien soignés qui meurent quand même, la blanchisserie qui pulvérise votre unique costard juste avant le rendez-vous de votre vie, et bien sûr la fameuse tartine qui tombe toujours du mauvais côté. Feu, le magazine scientifique QED de la BBC, si c'était une émission en français ça s'appellerait CQFD, a voulu en avoir le cœur net en 1991-1991 pour mes compatriotes, pour les gens qui parlent en français normal. Elle s'est livrée à une expérience grandeur nature. C'était un gigantesque lancer de tartines qui a été organisé, durant lequel des volontaires jouaient les majorettes avec 300 tartines beurrées. Ils les jetaient en l'air dans le but de voir sur quelle face elles atterrissaient. Et sur les 300, 148 ont atterri du côté pain, 152 du côté beurre, autant dire 50-50. On peut définitivement écarter la loi de Murphy. Il n'y a pas de malédiction de la tartine qui la pousse à tomber du mauvais côté. L'émission Mythbuster a réalisé plus récemment un exercice similaire en créant une machine à jeter les toasts, beurrés ou non, pour voir s'il y avait des différences de comportement entre eux. Il n'y en a pas. Alors, est-ce que Christine a raison ? Est-ce que cette histoire de tartine ne serait finalement pas qu'un vilain biais psychologique ? On se rappellerait que de celle qui tombe du mauvais côté ? Eh ben, pas tout à fait. Quand on dit que les tartines tombent toujours du côté beurré, effectivement, il y a un truc dans le toujours, on pense aux situations de la vie quotidienne. Genre, quand en essayant d'atteindre le pot de miel perché sur le deuxième rayon, on fait malencontreusement glisser le pain beurré installé sur le rebord de la table de la cuisine, qui avait rien demandé, qui attendait sagement sa petite douceur matinale. Et dans ce cas, c'est toujours 50 ? Eh ben non. Dans ce cas, la tartine tombe pratiquement toujours du côté beurré. La faute à la loi de Murphy ? Non plus. C'est effectivement... Enfin, c'est s'il y a une loi qui est appliquée à la lettre ici, c'est la loi de la gravitation. En plus de la gravité, il y a trois facteurs qui vont influencer le destin de la tartine. Et le cours de votre matinée, évidemment, parce que la serpillière n'était probablement pas prévue au programme dans le timing du petit-déj, c'est comment la tartine quitte la table, la hauteur de la table et le format de la tartine. Alors pour ce qui est du poids du beurre, qui compte pour environ 10% du poids total de l'édifice, il a un effet marginal. Il compte pour beurre, si j'ose dire. Et dans notre exemple très domestique, dans la mesure où la tartine bascule, elle entame une série de rotations dans sa chute, donc comme ça a été dit dans les commentaires des auditeurs. Sauf que la hauteur de la table joue effectivement un rôle important. Elle ne permet à la tartine de ne faire qu'un demi-tour sur elle-même avant de terminer sa course lamentable aux pieds stupéfaits du pauvre individu pas très bien réveillé qui s'apprêtait déjà à savourer une bouchée de miel. Le site physics.org propose le conseil suivant. Grillez le pain et écrasez-le comme un malade avec le couteau lorsque vous le beurrez. La forme convexe de la tartine influencera le sens de sa chute et évitera le drame. Sinon, vous pouvez aussi entreposer votre tartine beurrée sur le frigo, au lieu de l'entreposer sur la table pendant que vous essayez de choper le pot de miel, histoire qu'elle ait une chance de faire un tour complet. Voilà, songez au drame que vous vous évitez grâce aux excellents conseils pratiques de Podcast Science. Nico, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, rien de spécial, je pense que t'as été très complet sur... je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Pas grand-chose à rajouter. Bon, il y a George McKill dans la chatroom qui nous parle de l'exemple de la tartine et du chat qui donne un moteur perpétuel. De l'énergie infinie. Ah. Ah ouais. Et c'est la raison pour laquelle les navettes spatiales ronronnent. Voilà. C'est dit, c'était Nico, donc il va devoir assumer ça pour la postérité. Voilà, donc ça c'était le quiz de la semaine dernière. Le quiz pour cette semaine, ça s'en est un facile. Les micro-ondes altèrent la qualité des aliments et favorisent le cancer. Info ou intox. Et alors, comme d'habitude, enregistrez votre réponse sous forme de commentaires écrits ou audio sur le site www.podcastscience.fm. Ne soyez pas timide, on se chargera de l'explication scientifique. Alan se chargera de l'explication scientifique. Dites-nous juste ce que vous en pensez et suivez l'exemple d'Alefto. Absolument. Ok, là il est déjà l'heure de la quote de la semaine. Enfin, déjà l'heure, on est en retard. Il est enfin l'heure de la quote de la semaine. Quelqu'un a préparé quelque chose ? Alors, il y avait une petite quote de Robin avant l'émission qui annonçait bien la couleur Internet 0.5 qui était flux RSS, ça fait très communiste, ça, non, ça fait URSS. Elle est partenue comme quote. Non. C'est drôle, non, c'est drôle. Moi, j'ai trouvé ça très drôle et très mignon. Je suis bon public aussi. Ok, sinon j'ai une proposition à vous faire, alors je vais vous la faire en anglais, il faudrait que quelqu'un la traduise. The universe is not required to be in perfect harmony with human ambition. C'est de Carl Sagan. C'est beau. L'univers n'a pas besoin d'être en harmonie avec les ambitions humaines. En harmonie parfaite, mais en harmonie parfaite, ça sonne bizarrement. Non, mais ça va très bien. En gros, l'univers s'en fout de nos ambitions. À pas se plier à nous. Exactement. À l'humanité. Florence, ça te parle ? Ah ça me parle, ouais. Ça aurait pu être prononcé par le soleil, ce côté un peu désagréable. Non, l'univers. L'univers lui-même. L'univers a un compte. Ouais. L'univers pourra peut-être tweeter la quote de Carl Sagan. Tout à fait. Je vais le faire de ce pas dès que Twitter... parce que Twitter est cassé, ouais, là. Twitter va pas bien. Là. Twitter est cassé. Ouais, Twitter est cassé. Twitter est cassé. Bon, c'est des choses qui arrivent. Aïe. Ouais. Carl Sagan, donc c'était un astrophysicien américain, auteur de génie. C'est vrai qu'on ne devrait pas séparer science et art ou science et littérature. Ce type-là était capable de faire les deux. Il écrit, je crois que le livre un des livres qui m'a le plus ému, Pale Blue Dot, un truc absolument extraordinaire. Tu l'as lu, Florence ? Non, je ne l'ai pas lu, mais c'est dans ma to-do list à lire. Ouais. C'est dans ma liste de trucs qu'il faudrait absolument que je lise. C'est lui qui a écrit Cosmos aussi, hein, dont tu parlais, je sais plus où, je t'avais entendu en parler. Oui. Qui a été porté à l'écran avec Jodie Foster dans le rôle phare. Oui, c'est pas Cosmos, hein, c'est Contact. Ah, Contact, pardon. Ah oui. Je mélange, pardon. Toi, tu parlais de Cosmos ou de Contact ? De Contact. Contact, ouais. Cosmos, d'ailleurs, c'était pas un livre, c'était une série d'émissions de télé. Oui, absolument. Ouais. J'en ai vu quelques-unes, d'ailleurs. Yep. Contact, le film est bien, le livre est encore mieux. C'est vrai, comme souvent. Yep. Voilà. Bon, sinon, des annonces, pas grand-chose à faire, pas grand-chose à dire, si ce n'est un rapide rappel de ce qu'on avait déjà annoncé la semaine dernière. Il y a ce débat organisé par l'AFIS le samedi 17 novembre, donc après-demain, pour les gens qui nous écoutent en live, de 14h à 17h à Agro Paris Tech, sur le thème « Comment informer sur les OGM ?» Moi, j'y serai. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. David, finalement... J'aurais bien aimé y être, mais malheureusement, je dois être à Pau pour passer un TOEFL pour une demande de thèse. Du coup, je ne pourrais pas y être. C'est pour parler des événements qui parlent de science bientôt, là ? Oui. Parce qu'il y a les journées, faut s'inscrire, faut faire vite, parce que c'est presque plein. Mais il y a les journées Henri Poincaré, à l'Institut Henri Poincaré, à Paris, qui se tiennent ce week-end, là. Okay. Avec notamment le japonais anglo-français, là, dont je parlais, qui fait une conférence et qui est très très bon en conférence, qui s'appelle Tadashi Tokieda, et Etienne Gis, qui est un très très bon vulgarisateur aussi en conférence, qui fait une conférence. Donc je pense que ça sera vraiment très bien. Je ne pourrai malheureusement pas y être, mais ça se passe à l'Institut Henri Poincaré ce samedi. D'accord, donc samedi 17 novembre. Inscrivez-vous. À tes souhaits. Ok, et puis là on arrive vraiment au bout, donc c'est l'heure de faire notre petit rituel, c'est David qui s'y colle. Alors, pour terminer l'émission, comme d'habitude, si vous découvrez le podcast, notamment grâce au Golden Blog Awards, soyez les bienvenus. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous, autour du au plus grand nombre de personnes, par exemple en le notant dans iTunes ou en le partageant sur vos réseaux sociaux préférés. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes en recherchant Podcast Science, comme ça s'écrit, sur Twitter @podcastscience, sur Facebook Podcast Science, toujours tout ça tout attaché, et sur Google+, je vous laisse deviner, c'est Podcast Science aussi. Vous pouvez également noter et commenter tous les billets du blog, n'hésitez pas à le faire, c'est ce qui nous permet de nous améliorer. Vous nous trouverez à l'adresse www.podcastscience.fm. Et vous trouvez bien sûr aussi chacun d'entre nous sur Twitter, si vous préférez nous contacter différemment, directement, c'est @xilrian, X-I-L-R-I-A-N pour David, @nicotup, N-I-C-O-T-U-P-E pour Nico, c'est, on s'accroche, Alan Van Lanten, A-L-A-N-V-O-N-L-A-N-T-H-E-N pour moi, Marco3000 avec un 4 à la place du A pour Marco. C'est @podcastscience pour Robin qui n'est toujours pas sur Twitter, on lui fera suivre bien on sûr. On peut le mentionner @Robin pas sur Twitter, c'est une tradition. C'est ça, voilà, un nouveau hashtag. Et puis Florence, c'est @FlorencePorcel en un mot, c'est ça ? C'est ça. FLORENCEPORCEL. Et c'est @FlorencePorcel /L-univers pour s'abonner directement à la liste pour le reste de l'univers. Prochaine émission, donc le 22 novembre 2012, on va parler de Carl Rogers et de la psychologie centrée sur la personne avec Caro. Et puis, c'est tout pour cette semaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tout le monde dans la chatroom d'avoir été là. Et à tout bientôt. Ciao. Salut. Merci beaucoup. Encore merci, Florence.